Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Quelle menace ! Plus vite vous nous quitterez, mieux cela vaudra. Le seul péril, c'est moi. Pas d'autre danger ? Si, l'habitude de vivre ici. Quel danger peut bien menacer la jeune Agnès ? Les femmes de la maison ? L'homme de la maison ? La maison elle-même ? Je ne crois pas à la méchanceté des pierres. Alors, les fantômes ? La folie ? Mais est-ce que, par exemple, pétrir des gâteaux durant la nuit peut être considéré comme une folie ? Agnès de rien. Une histoire de maison, de journée peu joyeuse, de certaines nuits où l'on entend cris inarticulés, rires avinés, injures. Et parfois, l'orage est de la partie. Agnès de rien, première diffusion sur la chaîne nationale, le 1er janvier 1946. Veuillez écouter Agnès de rien, adaptation radiophonique par Pierre Barillet, d'après le roman de Germaine Beaumont. Musique originale de Marcel Landowski, orchestre sous la direction de Charles Bruck. La distribution sera la suivante. Agnès, Odette Joyeux. Alix, Germaine Montero. Madame de Chaligny, Berthe Bovy de la Comédie Française. La Jussaude, Maddy Berry. Une paysanne, Berthe Dide. Le facteur, André Certes. Et Marcel Errant dans le rôle de Carlo. Prise de son, Karl Vasseur et Gaston Guénez. Assistant de production, Sadi Petit. Mise en scène radiophonique, Ange Gilles. C'est au soir tombant que je suis arrivée au fond de l'Aulne et par une pluie battante. Francis m'avait dit, quand on vient par la route de Chalonne, on voit d'abord l'ancienne fabrique. Elle cache la maison. Mais je vais envoyer une dépêche pour annoncer votre arrivée. On viendra vous chercher avec la Ford, si la Ford existe encore. On n'était pas venu me chercher, car la Ford n'existait probablement plus, à moins que la famille de mon mari n'eût décidé de me marquer dès le début son hostilité. Mes pieds s'enfonçaient dans le sol sablonneux. Chaque pas me coûtait un effort. Je marchais depuis une heure sans avoir rencontré âme qui vive. Ce vide, cet abandon, cet isolement, l'absence de toute apparence de vie humaine, le crépuscule m'inspirèrent un désir violent de rebrousser chemin. Repartir ? Vaine espérance. Francis m'avait chargé d'une mission. Obtenir de sa mère une somme qu'elle se refusait à lui envoyer. Je devais apitoyer Madame de Chaligny. Les dents serrées comme on combat une panique, je repris ma route incertaine. Dire si je suis encore loin des fonds de l'Aulne, s'il vous plaît. n'ai rencontré personne à qui demander ma route. Je craignais de m'être perdue. Ah, vous êtes une connaissance de Madame de Chaligny, peut-être bien. Oui. Dites-moi, suis-je encore loin? Non, ma pauvre dame. Vous allez traverser le pont que vous voyez là-bas. Et puis vous tournerez par le petit chemin qui se trouve à droite. Alors vous verrez toutes sortes de bâtisses en ruine. C'est les fonds de l'eau. Vous n'aurez qu'à pousser la grille. Merci beaucoup, madame. Oh, à votre service. Qui est là? Mais qui est là? Oh! Eh bien, qui êtes-vous? Répondez. Êtes-vous vivante? Êtes-vous un fantôme? Parlez, parlez! Ah, ce n'est pas vrai. C'est une image. Je m'excuse, une image. Je m'excuse, je ne vous avais pas vu. Je croyais qu'il n'y avait personne. Et c'est pourquoi je me suis permis. Je vous ai réveillé. Qui êtes-vous? Je suis Agnès. Agnès. Agnès. Et quelle Agnès? Mais Agnès de Chaligny. Agnès de Chaligny. Agnès de Chaligny. Agnès de Chaligny. Ainsi nous sommes Agnès de Chaligny. La fameuse, l'unique, la célèbre Agnès de Chaligny. Nous sommes le pauvre ange, la petite chose, l'enfant débile, et promise au tombeau. Oh, oh, oh, oh. Nous sommes toutes jeunes, naturellement. Un bébé dans ses langes. Mais nous ne vivrons pas vieilles, oh non, car nous toussons. Nous nous en allons de la poitrine. Nous sommes atteints de consomption, de vapeur, d'anémie, de tuberculose et de langueur. Il nous faudra bien entendu des soins coûteux, des piqûres et des pneumos. Le bon soleil du midi, la neige des sommets. Nous ne pouvons hélas rien nous offrir de tout cela. Mais nous ne nous plaignons pas, nous sommes angéliquement résignés à mourir à la fleur de l'âge, nous acceptons chrétiennement notre sœur, nous n'en sommes que plus pathétiques et patataille. Oh, comédienne, va! voyons un peu ces yeux condamnés à se fermer prématurément et qui arracheraient des pleurs à un tiroir de chiffonnier. Contemplons cette abnégation, cette fermeté stoïque, cette soumission au déboire de la vie quotidienne. Mais ma parole, c'est vrai. Si les yeux regardent en face, ils ont dû en voir de toutes les couleurs. Quant à ces joues, je reconnais qu'elles ne sont pas excessivement remplies. Aurions-nous suivi un régime amaigrissement avant de venir prospecter la belle famille? On doit s'y connaître en singerie du côté de Francis, pas vrai? Ah, pas mal, non, pas mal du tout. Agnès de Chaligny, rien n'y manque. Ni l'intéressante pâleur, ni le petit col de pensionnaire, ni la robe usée au coude, n'est-ce pas? Ni le manteau de bureau de bienfaisance, et les souliers, et des souliers de séminariste, à ce que je vois. Le cuir fronce, la semelle est restée en chemin. Adorable Agnès, plus j'y songe, plus je trouve que vous auriez dû mettre en gage votre manteau pour pouvoir vous offrir un aller-retour. Tout me dit que vous ne possédez qu'un billet d'aller et que vous comptez sur nous pour le rapatriement. Me trompais-je? Si je me trompe, je vous tiens quitte du reste de l'entretien. Hein? Oui, tout beau, on ne m'a pas répondu. Divine Agnès, friable Agnès, sœur Agnès des anges, a-t-on un billet de retour? Espère-t-on que belle maman va le payer? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas venu à pied? 400 kilomètres, ce serait tellement touchant. Le courrier de Lyon, les deux orphelines, et par cette pluie. Tenez, vous entendez la pluie? Vous ne craignez pas que ce climat humide hâte votre faim? Ici, c'est un aquarium, vous savez. Il pleut au Lôme 360 jours par an et le reste du temps est affecté au brouillard. La maison est construite sur l'eau. Les caves sont des citernes et ce bruit qui fait trembler les murs, ce n'est pas la tempête, mais deux bras de rivière qui se battent sous les pales du moulin de la forge. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Ah, bien délicate, Agnès. On ne trouve rien à répondre. On ne se souvient plus de sa leçon. Le cher Francis ne nous a rien sriné au départ. Aucun message pour son ignoble ne vaut rien de beau frère, ce sale schnappant de Carlo. Sainte Agnès imaginait-elle que sa seule présence dans l'antre des Chaligny allait transformer ses faux en petits moutons, que la vieille dame allait s'arracher à ses rêveries pour ouvrir son escarcelle, que la belle Alix allait émousser ses mille épines et que moi, le ténébreux, l'inconsolé, mais pas le veuf, hélas. J'allais faire des rondes jambes en jouant du pipeau. douce idiote. Douce, tendre, délicieuse, crédule, petite idiote. Lamentable graine d'esclave. Laissez que je vous contemple à loisir. Oh, mais vous ne m'intimidez pas, figurez-vous, vous ne m'intimidez pas. Si je veux, je peux vous faire tourner comme un toton, comme ceci, oui, comme cela. Je pourrais aussi vous renverser, vous écraser, vous traîner par les cheveux, vous faire rentrer dans le sol, pauvre verre. Ah, vous voyez, je pourrais être là, moi aussi. Je m'en vais comme vous, douce amie. Exit les étrangers. Car nous sommes les étrangers. Que nous disparaissions et la famille de Chaligny se refermera sur nous comme l'eau sur les noyers. J'ose croire que vous vous en doutiez un peu. Agnès de Chaligny. Agnès tout court. Agnès de rien. Au fait, il n'a pas tellement menti, l'incomparable Francis. Mettons qu'il est un peu exagéré. On a bien l'air d'une mauviette. On pèse combien? Pas lourd, hein? 45 kilos, 40? Espère-t-il qu'on vous fera une santé ici? Il a la mémoire courte. Vous savez l'heure qu'il est? 20 heures, comme on dit dans le jargon du siècle. Et pas le plus petit relent de souper. La Jussot n'est pas allée à la pêche par ce temps. Et ma chère épouse n'est pas rentrée de la ville. Peut-être, je dis bien, peut-être, rapportera-t-elle une boîte de sardines. Peut-être ne le rentrera-t-elle qu'après dîner. Auquel cas, vous serez mon invité, belle Agnès. Il n'y a que du pain sec. Ma belle-mère s'en moque et je me moque d'elle. Du reste, elle ne descend pas. Elle rédige ses mémoires dans son lit. Ou bien elle se promène dans les méandres de son imagination. Mais vous pâlissez, douce Agnès. La perspective de jeûner ne vous séduit pas? Ou bien est-ce celle de passer la soirée en tête à tête? Tendre Agnès, seriez-vous vraiment évanouie? Parce que signifie cette intrusion à brûle-pourpoint. Tu me dis que tu l'as trouvée par terre? Elle n'est pas tombée du ciel. Je te répète, maman, pour la troisième fois que je ne l'ai pas trouvée par terre et qu'elle n'est pas tombée du ciel. La dépêche de Francis pour nous prévenir de son arrivée a été remise à la Jussaude par cet imbécile de facteur, qui sait pourtant bien que la Jussaude est toujours ivre l'après-midi. En revenant de Chalonne, je me suis arrêtée pour demander à cette vieille misérable s'il nous avait apporté du poisson. Et la première chose que je vois en rentrant chez elle, c'est une dépêche. La dépêche était par terre, pas Agnès. Et la Jussaude cuvait son vin à côté, le nez sur les chenets. Elle brûlera vive un jour, tu verras. Elle ne l'aura pas volé. C'est d'ailleurs une malchance que la voiture ait eu une panne. Sans ça, je serais rentrée plus tôt. Tiens, voilà ton lait de poule. Je suppose que je devrais lui en faire un, à elle aussi. C'est gai, fatiguée comme je suis. Mais Alix, tu me dis qu'elle dort. Est-ce que je sais si elle dort? Elle est prostrée, complètement anéantie. Carlo me dit qu'elle est venue à pied de Chalonne, qu'elle l'a réveillée. Il dormait naturellement sur le divan du salon. Que ferait Carlo s'il ne dormait pas? Boire. Il boit en attendant de dormir et il dort parce qu'il a bu. Et moi, j'ai toute la maison sur le dos. Oh, je t'en prie, regarde ce que tu fais. Non. Tu n'as pas mis ta serviette et tu vas encore être couverte de taches. Après, tu pourras toujours me déclarer que tu t'en laves les mains. Tu es dégoûtante, voilà ce que tu es. Qu'est-ce que j'ai fait du pain? Tu veux encore un peu de pain? Mais je t'en prie, ne le trempe pas, tu me lèves le cœur. Carlo ne l'a pas mal reçu, au moins. Comment veux-tu que je sache? On dirait que tu ne connais pas Carlo. D'ailleurs, je pourrais te répondre que du moment que tu l'as vu arriver, tu aurais bien pu descendre, quitte à remonter tout de suite. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, et que tu ne te laisses pas aller. Oui, oui, oui, je sais que tu écrivais à ton avocat, mais ce n'est pas tellement pressé. Ce genre de lettre arrive toujours assez tôt. Tu te fais des idées là-dessus. Moi, si j'avais vu arriver quelqu'un, j'aurais couru. Quand je pense qu'il faut marcher pendant une heure pour rencontrer une créature humaine, je reconnais que celle-là pouvait rester où elle était. Je ne suis pas descendue parce que depuis ma longue réclusion, je suis timide. Les étrangers me font peur. Oh, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je renverse tout, je brise tout. Je te fais cuire un œuf? Non? Non, je ne crois pas que... À ton aise. Il suffit que je t'en offre pour que tu n'en aies pas envie. Mais pourquoi était-elle tombée? Tiens, tu m'exaspères. On a beau te rabâcher les choses, je t'ai dit que je croyais que Carlo l'avait rattrapée comme elle tombait. Je n'ai rien compris à ses explications. Il avait l'air halluciné. Il marmonnait je ne sais quoi. Apparemment, il a dû lui dire quelques sottises, essayer de la flanquer à la porte, est-ce que je sais? Elle nous le dira probablement quand elle s'éveillera. Je te la ferai parler, moi. Tu verras. Je saurai pourquoi Francis nous l'envoie. Il a encore dû faire une bêtise. Elle était par terre. Oh, tu le fais exprès. Je te dis et redis qu'elle n'était pas par terre. Il la soutenait. Quand je suis entrée dans le salon, je te jure qu'il y aurait eu de quoi faire reculer une femme jalouse. Mais pour me faire perdre mon sang-froid. Et puis, jalouse. Jalouse de Carlo. Il y a beau jour que la fantaisie m'en a passé. Toujours est-il que le spectacle de Carlo tenant une femme dans ses bras chez moi relevait du flagrant délit. Et une femme qui ne résistait pas, je te le jure. Je lui ai dit, tiens, tu les amènes à domicile maintenant, en haussant les épaules. Et lui, aide-moi, elle est évanouie. Il parlait d'un ton froid, mais sa figure était couverte de sueur, comme vernis. Ma foi, il n'avait pas l'air dans son état normal. Par exemple, t'aider. Il faudrait d'abord que je sache. Là-dessus, il me répond, c'est la femme de Francis. Tu me croiras si tu veux, je tenais la dépêche dans la main et pas un instant, je n'ai pensé à Agnès. T'étais évanouie. Tu parles depuis une heure, tu ne me dis pas l'essentiel. Pourquoi t'étais évanouie? Demande-le à ton gendre. Il te le dira peut-être à toi. Toujours est-il qu'elle était bel et bien sans connaissance, mais tellement cramponnée à Carlo que j'ai vu le moment où je ne pourrais pas desserrer ses bras. Elle avait dû tomber en avant sur lui et s'agripper comme une morte. Et lui, il restait là. Enfin, il a fini par sortir de sa stupeur et je lui ai demandé de la porter ici. On verra où la mettre demain. Si Carlo n'avait pas filé si vite, je lui aurais dit de la monter tout à l'heure à l'étage dans l'ancienne chambre de Francis. Il a filé? Par ce temps? Et où ça? Est-ce que je sais? Où ça lui plaît? Il n'est pas en sucre, il ne fondra pas. Il ne peut pas rester en place, cet être-là. Et j'imagine que l'idée d'une visite à demeure le rend enragé. Qu'est-ce que je dirais? En tout cas, il y a quelque chose qui ne me paraît pas très clair, c'est cet évanouissement. Arrive-t-on chez les gens pour s'évanouir? Ah, elle est peut-être très fatiguée. Il y a un bout de chemin, depuis Chalonne. Avait-elle des bagages? Il me semble qu'elle portait quelque chose. Une valise que j'ai trouvée dans le vestibule contre la porte du salon. Rien d'autre, à moins qu'elle n'ait laissé une malle à Charlotte. Elle vient peut-être pour très longtemps. Tu ne crois pas qu'elle s'est évanouie parce qu'elle attend un enfant? Tais-toi. Pourquoi me tairais-je? Naturel pour une femme, avoir un enfant. Que je n'en ai pas eu deux, moi. Je devrais dire trois, parce qu'enfin, il y a eu mon aîné, le petit Louis. Oh, vous étiez trop petit, Francis et toi, pour vous souvenir de lui. Oh, il n'était pas beau. Le pauvre ange avec sa grosse tête. Enfin, il a si peu vécu que par moments, je me demande si je ne l'ai pas inventé dans un rêve, si ce n'était pas l'enfant de la première femme. Quelquefois, je ne sais plus très bien si je ne rêve pas ce qui m'arrive. Mais je reviens à cette personne. J'aimerais qu'elle fût dans une situation intéressante et bercer un enfant de Francis sur mes genoux. Ah, ça me consolerait de mes terribles épreuves. Et puisque Carlo et toi ne voulez pas fonder une famille, il faudra bien que cette Agnès se dévoue. Si elle attend un enfant, cela ne se voit guère, en tout cas. Elle est maigre à faire peur. Est-elle jolie, au moins? Jolie. Une figure comme le poing, des cheveux plats. Enfin, je ne veux pas m'en rapporter à une première impression. L'éclairage du salon est effrayant. Je ne sais pas pourquoi Carlo avait allumé toutes les appliques et même le lustre. Et puis, un évanouissement ne vous arrange pas. Oh non! Enfin, quand elle n'aura plus le nez pincé, les lèvres bleues et qu'on verra la couleur de ses yeux, nous saurons si mon aimable frère a autant de goût qu'il le prétend. De tout ce qu'il raconte, une seule chose est certaine, c'est qu'elle n'a pas de santé. Il ne mentait donc pas tout à fait dans ses lettres. Elle doit avoir les poumons pleins de cavernes. Quelle idée a eu Carlo de s'en aller à cette heure? Dirait-on pas qu'il nous consacre toutes ses soirées? Quand il est là, c'est qu'il n'a plus un centime en poche ou qu'il cuve son vin. Pour ma part, je t'assure que je me passe de lui. Elle aurait voulu qu'il me rapporte mot pour mot ce qu'ils se sont dit. Car les moindres faits ont une importance capitale. Il ne faut en omettre aucun. Et ce qui m'a sauvé en fin de compte, c'est que je n'ai jamais rien caché. J'étais transparent. Il a bien fallu se rendre à l'évidence, reconnaître la réalité. Et dire qu'au lieu de me coucher, il va falloir probablement que je reste debout une partie de la nuit, au cas où elle aurait besoin de quelque chose. As-tu fini ton lait? Je vais t'aider à monter. Mais pour l'amour du ciel, ne fais pas de simagrée comme d'habitude. Oh, je serai sage. Aide-moi à me lever. Dis-moi, as-tu pensé à la mort aux rats? La forge est pleine de rats. La maison ici est pleine de rats. D'habitude, le petit domestique s'en chargeait, mais tu as congédié ce pauvre enfant. Et jamais nous ne retrouverons un serviteur aussi dévoué après ton bras sur la tête. Moi, je m'en lave les mains. Que rien ne rendra plus l'usage de mes membres inférieurs. Je suis fatiguée, mais je ne peux pas dormir. Vous êtes Alix, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez deviné, votre belle-sœur Alix. Ma chère Agnès, nous sommes absolument désolés, ma mère et moi, de ce qui s'est passé. Si la dépêche nous était parvenue à temps, j'aurais été vous chercher. J'ai bien pensé qu'il y avait eu un malentendu. Et par un temps pareil, ce n'est pas de chance. Cela ne m'étonne pas que vous ayez éprouvé une faiblesse en arrivant. Vous ne voulez rien prendre? Je vous aurais préparé un lait de poule, mais ma maman m'en a dissuadé pendant que vous dormiez. J'ai très soif. Cela ne m'étonne pas. Comme vous êtes rouge. Auriez-vous de la fièvre? Quel ennui. Nous sommes dépourvus de tout. Pensez à une telle distance. Je n'ai que du lait à vous offrir, ou une tisane. Aimez-vous la menthe? Je boirai volontiers un peu de lait. Vous avez raison, c'est plus nourrissant. Je ne peux pas dire que j'ai grand goût pour les tisanes. Ma pauvre Agnès, quelle étrange façon de nous rencontrer, vous ne trouvez pas? Il y a 3 ans que j'attends cette minute. Enfin, vous êtes arrivée à bon port, c'est le principal. Non, non, ne bougez pas. Reposez-vous. Je vais chercher votre lait. Je suppose que vous avez déjeuné en route. Pour moi, j'ai horreur des buffets de gare. Il me semble que tout y a un goût d'eau chaude et de houille. Je n'ai pas déjeuné, ni dans un buffet de gare, ni chez moi. Je suis partie très vite. J'étais en retard. Oh, mon Dieu, tout s'explique. Et moi qui vous fais attendre. Oh, pauvre Agnès. Agnès m'excusera. Un peu de fleur d'oranger, peut-être. Oh, je n'aurais pas dû écouter maman, j'avais encore des œufs, rien de plus recurciclant qu'un lait de poule. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Le lait, la cuillère, du sucre, de la fleur d'oranger. Tenez, buvez. Eh bien, cela va mieux maintenant? Beaucoup mieux. En voulez-vous encore? Non, merci. Non, je ne pourrais pas. Un peu de pain, de confiture? Non, non, vraiment, je vous assure. J'aurais voulu, dès ce soir, vous installer au premier dans une meilleure chambre. Mais ma chère, je ne crois pas que vous puissiez monter l'escalier. J'avoue que je suis incapable de vous porter. Je comptais sur Carlo, mais il est parti comme un fou tout à l'heure, sans me dire quand il rentrerait. À minuit, probablement. Et complètement ivre, selon son habitude. À ce propos, si vous entendez un vacarme à 1 heure indue, des portes claquées et le récit de Thiramène scandé à grands coups de pied dans les boiseries, ne vous alarmez pas. Carlo a le vin bruyant et littéraire. J'espère néanmoins que tout à l'heure, il vous a convenablement accueilli. Qu'appelez-vous convenablement? Mon arrivée l'a évidemment surpris. Il dormait. Maman aussi. Elle ne vous a pas entendu. J'imagine que vous avez sonné pendant 1 heure. Non, non. Une seule fois. Je n'ai pas insisté. Il pleuvait tellement et ma valise était lourde. Je me suis permis d'entrer. Permis? Quel vilain mot! Vous êtes ici chez vous? Non, non, ne craignez rien, il n'y a pas de fantôme ici. Et pourtant, le décor s'y prête. Et j'écoute parce que maman dort mal. Il lui arrive de se lever la nuit et de descendre à la cuisine. Et que pensez-vous qu'elle y fait? Des gâteaux. C'est un passe-temps inoffensif, mais stupide et coûteux. Car les gâteaux sont naturellement immangeables. Et cela gâche le beurre et la farine. Inutile de les enfermer, elle trouve tout. Elle trouve toujours les clés pour tout ouvrir, tellement elle est rusée. Pauvre maman. Vous la verrez demain. Mais ne restez pas trop longtemps auprès d'elle, car au bout de quelques minutes, les conversations la fatiguent. Et comme elle est trop polie pour l'avouer, elle raconte n'importe quelle sottise afin de dérouter les gens. Maman est une femme très, très intelligente, très imaginative, très, très taquine. Dans tout ça, vous ne m'avez pas raconté votre arrivée, l'accueil de Carlo. Vous n'êtes pas trop fatiguée, au moins je vois que vous fermez les yeux. Si, je suis un peu fatiguée. Je vais vous laisser dormir. Vraiment, cela ne vous contrarie pas de dormir ici pour une nuit? C'est une chambre de supplément que mon père destinait à des amis de passage, à des invités de la dernière heure. Derrière, vous trouverez un office arrangé en cabinet de toilette avec eau courante. C'est bien pratique. On y serait pas mal. Voulez-vous que je vous aide à vous déshabiller? Oh non. Oh non, je vous en prie. Je ne vais pas vous retenir. Je me sens mieux. Qu'a-t-il dit, Carlo, quand il vous a vu? Il m'a demandé mon nom. Il n'a pas paru surpris? Pas très. Francis vous a souvent parlé de moi dans ses lettres. En général, mon mari manque d'aménité. C'est un ours. J'espère que vous n'avez pas eu à endurer sa conversation pendant longtemps. Je n'ai pas la notion du temps. Et ma montre était arrêtée. Là... Vous ajouterez cette couverture si vous avez froid. Voulez-vous que je vous prête des lainages? Les nuits sont atrocement humides, Francis a dû vous le dire. Cette vie lacustre exige une santé de fer. Vous avez ce qu'il vous faut, un bougeoir, des allumettes. Demain, vous vous leverez tard. Bonsoir. Reposez-vous et faites de beaux rêves. Surtout, ne vous inquiétez pas de ce que vous entendrez. La clé est sur la serrure, de votre côté. Enfermez-vous si vous avez peur. Vers le milieu de la nuit, la terreur m'éveilla. La lumière filtrait sous la porte de la cuisine. Qui donc revenait ainsi à une heure pareille, sinon ma belle-mère? Qui donc allait de la table au buffet, ouvrant une porte, un tiroir, remuant des ustensiles dans les placards, sinon cette madame de Chaligny dont je portais le nom et qui m'était étrangère? J'étais sur le point de me lever quand je l'entendis parler non pas d'une manière distincte, mais enchaînant les paroles, comme dans ces absurdes ritournelles qui font le délice des enfants. Impossible à travers la porte fermée de distinguer les mots que scandait le va-et-vient du rouleau à pâte et la reprise du rouleau cognant contre la planche. La pâte fut enfournée, car j'entendis le tintement des moules de métal sur les plaques du four. Ensuite, la lumière s'éteignit. Le frôlement des jupes, des pantoufles, des manches, des crues dans les ténèbres. J'allumai la bougie et me levai. Sur la table de la cuisine, la planche et le rouleau attestaient du patient labeur de ma belle-mère et justifiaient mes suppositions. Un grand bol, aux parois duquel adhérait une poudre farineuse, un pot à beurre, une boîte à sel, encadrait planche et rouleau. Mû par une curiosité subite, je ramassai du bout du doigt une mince pellicule de pâte qui adhérait encore à une planche et je la portai à ma bouche. Elle avait un goût affreux et grinçait sous la dent comme une poussière de ciment. Je goûtai la farine. Ce n'était pas de la farine, mais du plâtre émietté. J'ouvris la porte du four éteint. Il contenait, aligné sur une plaque, 12 petits moules à tarte emplis d'un mastic grisâtre. Défaillante, écœurée, j'eus toutes les peines du monde à regagner ma chambre, à m'y enfermer. Étendue sur mon lit, je tombais dans un sommeil semblable à un évanouissement. Ils auront fini de me salir mon carreau avec leur sacré souillé. Oh, c'est vous, Mme Francis? Oui, c'est moi. Et vous, vous êtes Mme Jusso? Oui, Mme Francis est à vos ordres, parce que j'aime les gens corrects, moi, et quand on est convenable avec moi, on le regrette pas. Est-ce que vous avez mangé, au moins? Non, j'ai bien faim. Et je ne sais pas quelle heure il est. 10 heures. Ils sont chacun de leur côté, et vous pouvez être sûr qu'elle n'a rien préparé. Fera des minots entrants, hein. Je vous dira des boniments, et en attendant, il sera midi, et vous aurez sauté un repas. Hein? Allons, venez, ma pauvre dame maigre. Je vais vous nourrir, moi. Mais je ne devrais peut-être pas... Peut-être pas manger et périr devant ses écus? Elle en a, allez marcher. Puis quoi, la vieille madame, elle est dans sa chambre, elle écrit ses lettres. Madame Carlo est au marché de Chalonne, et Monsieur Carlo, ben, il est où il est. Et si je vous disais où il est, ça vous avancerait pas parce que vous n'êtes pas d'ici. Hein? Je vais vous chauffer une bonne tasse de lait et je sais où elle cache son beurre, marché. Faut vous remplumer! Et quoi donc il vous nourrit, monsieur Francis? Bon, je n'ai jamais eu un gros appétit, madame Jusso. Aujourd'hui, c'est différent, je n'ai rien mangé hier. J'avais la fièvre. Je me suis couchée en arrivant. Si vous voulez que je vous dise, eh ben... Elle savait que vous arriviez. Oh, c'est impossible. Oui. J'ai cru comprendre... Vous avez cru comprendre que j'étais perdu saoul et que je n'ai pas remis la dépêche. Ben, c'est pas vrai. Oui, mais ben, pourquoi que je l'ai pas remise? Parce que la doudemance qui porte les dépêches, elle m'a dit, tiens, ma vieille, il a le papier pour la régularité des écritures. Mettez des carcasses pas pour lui ordonner. On a téléphoné de la poste. Mais on s'est peut-être trompé d'heure, de jour. Oui, tiens, par dire. Oh! Quoi? Oh, mon Dieu. Ma bague. Mais quelle bague? Ma bague de fiançailles. Une bague avec une pierre violette à laquelle je tenais beaucoup. Tiens donc, ben où est-elle? Mais si je le savais. Je la voyais hier encore en arrivant. Eh ben, si vous la viez en arrivant, elle est dans la maison. Dans votre cabinet de toilette, probablement, ou par terre, dans la chambre. Allez, venez. Allez, venez. On va la chercher toutes les deux, là. Là, j'ai tout mon temps. Désolé, c'est Mme Carlo qui s'en occupe. Il y a des truites et des pâtes d'Italie. Pour la viande, si vous l'aimez, vous pouvez en faire votre deuil. Mme Carlo trouve que c'est trop cher. Par exemple, tous les dimanches, on tue un vieux poulet. Mais on dirait qu'elle n'est pas là, votre bague. Voyons dans ma chambre. Ah. Regardez bien sous le lit pendant que je soulève le tapis. Mais je ne vois rien. Attendez, on va secouer les draps. Là. Décidément, cette maison ne me porte pas bonheur. J'y suis entrée pauvre et j'en repartirai plus pauvre encore. Ah, faut pas vous désoler, elle est peut-être pas perdue. Par où êtes-vous passé pour aller dans votre chambre hier? Je n'en sais rien. Comment? Vous vous en souvenez pas? Non. Enfin, c'est-à-dire, je crois qu'on m'a portée. Pourquoi, qui ça? Je ne sais pas. J'ai eu un malaise de fatigue. Oh? Oui, j'ai perdu connaissance dans le salon et je me suis retrouvée ici, sur le lit. Tiens, allez, laissez que je finisse ici, après on ira au salon. Oh. Oh, vous avez l'air jeune. Quel âge avez-vous? Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous marier si tôt? Vous êtes bien plus jeune que M. Francis. Oui, il a 35 ans. Elle, elle a 37. Elle la croyait pas si elle vous dit qu'elle est la cadette. Cadette. Fripée comme une pomme de décembre. Méchante comme une fouine. Oh, Madame Juste. Ça va. Allez. Vous la connaissez pas. Et puis, vous ne pouvez rien dire et vous ne direz rien. Vous êtes comme son mari. Jamais un mot contre elle. C'est sûrement lui qui vous a porté dans la chambre et couché sur son lit. Là. Hein. Hein. C'est fait ici. Hein. Allons là-bas. Allez. La bague, il était pas. Ça, j'en suis sûr. Mais pour ce qui est de balayer, dans ça, j'ai pas balayé. Ah, j'ai eu trop à faire avec la boue du vestibule. Ah, ben, si c'est comme ça que vous m'aidez. Mais je cherchais dans ma tête. Ben, si vous cherchiez dans vos pieds, hein. Et vous êtes sûr que vous aviez cette bague hier? Absolument sûr. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Ici. Le feu s'est reflété dans la pierre violette et... Et? Et après... Un peu plus tard, je ne l'ai plus vue, mais je l'ai sentie. Ah! Oui, je l'ai sentie en essayant de mettre une bûche dans le feu. La bûche, en appuyant sur l'anneau, m'a fait un peu mal. Ah bah alors, elle est peut-être tombée dans le coffre à bois ou dans la cheminée. Ah! Ben, je vais vous dire, c'est elle qui vous l'a prise et vous ne la verrez jamais. Elle est comme les pies. Elle prend tout ce qui brille et elle le cache. La flèche qui rentre justement. Oh, je me sauve là. Non, ça la fâcherait de savoir que je cause avec vous. Oh. Déjà levé, Agnès. Et vous avez pu vous retrouver dans notre grande baraque, à ce que je vois. Je suppose que la Jussot vous a servi de guide. Comment avez-vous dormi? Êtes-vous mieux? Oh, que je suis fatiguée, ma chère. Je reviens de Chalonne. J'ai été chercher un médicament pour Carlo. Son foie. Un foie d'ivrogne entre nous. Et Francis? Parlez-moi de Francis. Francis va bien. Il compte sur une commande importante. Comment a-t-il fait pour se séparer de vous? Un tel ménage d'amoureux. Ah, je vous envie, Agnès. Il est vrai que vous êtes de jeunes mariés, Carlo et moi. Et combien de temps nous ferez-vous l'amitié de séjourner ici? Justement... Cela dépend un peu de cette commande qui va le retenir à Amiens. Il n'a pas voulu que je reste seule à Paris. Oui, j'ai passé un mauvais hiver. Situation intéressante? Hélas, non. Congestion pulmonaire, tout simplement. Pauvre Agnès. Cela consiste exactement en quoi, une commande? En une série de poses aboutissant à un portrait qui devrait être payé à la livraison. Il ne l'est pas toujours, hélas. Autrement dit, Francis n'a pas le sou et voudrait bien que nous vendions le matériel de la forge pour lui verser sa part. Mais j'ignorais qu'il y eût un matériel à vendre. Par exemple? Que voulez-vous que je vous dise, c'est ainsi? Je n'avais aucune idée de ce que je trouverais ici en arrivant, en tant qu'immeuble, matériel ou forge. Seulement une famille désireuse de me connaître et charmée de me recevoir pour quelques jours. Je cite Francis, bien entendu. Si nous sommes charmés, je crois bien... Aimez-vous les truites? On en pêche de délicieuses dans la région. Carlo est-il rentré? Avez-vous eu le plaisir de l'entendre cette nuit? Moi pas. Il a dû coucher chez sa maîtresse dans la région. Une fille qui travaille dans une fabrique de lunettes ou de pipes ou dans une laiterie, je ne sais pas au juste. Une belle fille, d'ailleurs. Bien en chair, pas comme nous, mais d'un vulgaire. Francis est-il fidèle? Il courait beaucoup avant de vous épouser, ou plutôt on lui courait. Un succès! Carlo m'a raconté certaines de leurs frasques de garçons. Les hommes sont vraiment répugnants. Enfin, il faut bien épouser quelqu'un. Toutes les femmes ne peuvent pas entrer au couvent. Allons, allons, il ne faut pas vous laisser abattre. Je ne voulais pas vous faire de la peine. Me faire de la peine? Vous plaisantez, Alix. Je me disais simplement qu'un mauvais mariage vaut mieux qu'un bon monastère. Et quand par surcroît, le mariage n'est pas mauvais. Quelle belle propriété, ces fonds de l'Aume. Je comprends que vous n'en sortiez jamais. Je vous la ferais visiter si je n'étais pas si fatiguée. Et si ce n'était pas bientôt l'heure du déjeuner. Je vais m'occuper des truites. Je fais toujours le déjeuner. Je ne puis supporter que quelqu'un d'autre que moi touche aux aliments. Ce n'est pas pour vous décourager. En tout cas, si vous voyez maman ou Carlo tripoter dans les casseroles, ne goûtez pas de leur brouet. Malgré leurs prétentions, il est toujours infâme. Ils n'y connaissent rien. C'est bien, je suis à vos conseils. Mais j'aimerais vous aider. Je ne voudrais pas que ma présence vous apportât un surcroît de travail. Et même, si cela doit vous déranger le moins du monde de me changer de chambre, je tiens à vous dire que je suis très satisfaite de celle que vous m'avez donnée hier. Oui, j'ai très bien dormi. Oh, jamais de la vie! La chambre du rez-de-chaussée est très humide. Elle est assez bonne pour Carlo, quand il fait ses fredaines. Vous allez avoir l'ancienne chambre de Francis. La Jussaude va la remettre en état pendant que nous irons nous promener. Aimez-vous la marche? Bien sûr. Toutes les routes sont défoncées. Nous prendrons la voiture, j'ai encore un peu d'essence. Conduisez-vous? Non. Mais vous avez une voiture. Francis appartient à ce genre d'individu sans le sou qui ne saurait se passer d'auto. C'est juste. Nous avons une voiture. De votre chambre, vous aurez une jolie vue si vous aimez les paysages romantiques. Pour moi, je vous avoue que je préfère la vue sur les ateliers. Ils sont en ruine, mais du moins, c'est de la brique. Ne me parlez jamais de sapins et de précipices. Voulez-vous que nous montions voir? Volontiers. Alors montons. Le déjeuner attendra. Que pensez-vous de ce papier? Francis l'a choisi quand il avait 12 ans. À ce moment-là, il donnait dans le joli. Et voilà son lit de jeune homme, son petit bureau, ses livres. Regardez par la fenêtre. Avouez que je ne vous ai pas menti. Quel curieux tour fait la rivière. C'est seulement un de ses bras qui passe sous une arche au tournant du pont et qui va se déverser là-bas, au-delà de la fabrique. Nous sommes en quelque sorte dans une île. C'est pour cela que nous sommes un peu fous, comme tous les insulaires. Nous n'admettons pas volontiers les continentaux. Oh, je ne dis pas cela pour vous, bien entendu. Vous aurez de quoi lire, en tout cas. Et maintenant, il faut que je m'occupe de mon déjeuner. Vous ne m'en voulez pas si je vous abandonne? Vous pourrez vous y retrouver. Descendez dans un quart d'heure. Ce sera prêt. Agnès! Oui? Venez vite à table, Agnès. Maman s'excuse de ne pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Elle ne descendra pas déjeuner. Et je crois que c'est vraiment inutile d'attendre Carlo. Vous lui avez fait peur, on dirait. Observez-vous, voyons. Jamais il ne s'absente aussi longtemps. Fumez-vous? Non, jamais. Vous ne connaissez pas votre bonheur. Moi, je suis comme Francis. Je fume tout le temps, même pendant mes repas. Qu'avez-vous au juste au poumon? Un voile, une lésion, une caverne? Mon Dieu merci, je n'ai qu'un poumon très légèrement voilé. Je vous demande ça à cause de la fumée. J'espère que cela ne vous fait pas tousser. Je déteste entendre tousser. Servez-vous de pâtes. Elles vont être froides. Vous savez, je mets tout en même temps sur la table. Bon, au fait, je suis tout à fait désolée, mais je ne pourrai vous emmener cet après-midi en voiture comme nous l'avions projeté. Je suis obligée de rester auprès de maman. Mais cela n'a aucune espèce d'importance. Mais promenez-vous. Ne vous croyez pas obligée de rester dans la maison, à moins que vous ne soyez fatiguée. Quand la Jussaude reviendra pour la vaisselle, elle montrera vos affaires. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le lui. Un peu de vin? Merci, je ne bois de l'eau. J'ai peur que vous ne trouviez le temps long. Notre vie ici est si monotone, si différente de la vie brillante que vous devez mener à Paris. Justement, J'apprécie ce calme, ce repos. Il m'était arrivé de connaître l'ennui, mais je ne me souviens pas d'un début d'après-midi plus mortel que celui-là. J'éprouvais une insurmontable répugnance à rester dans la maison. Où me tenir ? Dans la salle du rez-de-chaussée, dans celle du premier, au salon ? Ici, je redoutais le retour de Carlo, et là, l'apparition subite de ma belle-mère. Et partout, la présence annihilante d'Alix. Alors, je sortis par la porte de la cuisine et m'enfonçai dans le jardin derrière la maison. Et soudain, je me trouvais dans un endroit si beau que j'oubliais mes raisons d'être triste. Rassurée, je m'assis sur un banc de pierre. Enfin, j'étais seule. Alors mon cœur se desserra. Mes larmes coulèrent. Depuis tant de temps, je me cachais pour pleurer. Bien peur. Oh oui, très peur. Je me suis comporté comme une brute avec vous hier, Agnès. Oh, je suppose que je peux vous appeler Agnès, puisque vous êtes ma belle-sœur. Et puis, oh, je vous ai dit tellement de sottises que vous nommez madame cérémonieusement serait pour plutôt burlesque. Eh bien, vous ne me répondez pas? Vous voulez que je vous demande pardon? Si c'est cela, je vous demande pardon. Vous pleuriez, et ne pleurez plus. Il me suffit de vous voir si craintive. Aucun reproche ne pourrait m'atteindre davantage. N'avez-vous rien à me dire, Agnès de Chaligny? Non. C'est donc moi qui parlerai. Savez-vous pourquoi je ne... Je ne suis pas entré la nuit dernière et pourquoi je ne suis pas venu déjeuner avec vous? Oh, je ne doute pas que mon absence ait été flatteusement commentée. Je sais ce qu'Alix pense et dites-moi, mais la véritable raison de mon absence, l'imaginez-vous? Non. C'est parce que je n'aurais pu supporter de vous revoir là-bas sans vous avoir parlé d'abord, tête à tête. Regardez-moi. Qu'avez-vous à garder cet air de victime quand votre bourreau est à vos pieds? Hier, très tard dans la nuit, lorsque j'aurais pris conscience de moi-même... Non, entendez-moi, je ne dis pas quand je fus dégrisé, car il se trouve que pour une fois, je n'étais pas ivre. Je compris l'odieux de mon attitude à votre égard et mon insanité. Avez-vous cru fou? Non. Immonde, alors. Et tel que votre mari me dépeint. Un vaurien. Un schnappant. Oh, je vois que vous possédez une grande force. Celle du silence. À moins que ce ne soit une forme d'habitude. Non. Ah non, non, non, non, ce n'est pas possible que ce visage-là, vous soyez habile. Pardonnez-moi, je suis redevenu sage, mais je reste méfiant. Mauvaise habitude contractée avec l'âge. Je ne l'avais pas quand j'étais plus jeune. Pas assez. Non, j'en viens à mon explication. Prenez-la comme vous voudrez. Toujours est-il qu'hier, parfaitement sobre, je dormais. Oui, je dormais profondément. Depuis longtemps, cela ne m'était pas arrivé. Les nuits ne sont pas toujours calmes au fond de l'aume. Or, je faisais un rêve. Ai-je la tête d'un homme qui rêve? Non, non, n'est-ce pas? Bon, ben, disons que j'étais endormi, et pendant que j'étais endormi, je croyais être heureux. Or, on m'avait réveillé. Supposez qu'un forçat rêve de liberté. Que fait-il si le gardien le secoue? Il tue le gardien. Voilà. Comprenez? Oui. Et vous me croyez? Oui. En outre, il y avait les lettres. Celles que Francis nous écrit depuis votre mariage. Oh, des lettres odieuses, pleurardes, se servant de vous, de vos rhumes, de votre toux, de votre fièvre, de votre fragilité. Oh, pour extorquer de l'argent à sa mère et à sa sœur, oh, nous a-t-il assez assommés avec ses lettres? Je dis nous, bien que je ne sois pas plus Chaligny que vous. Un peu plus tout de même, un peu plus, oui, parce qu'une longue habitude crée des liens. Quand je vous ai vu, j'ai tout naturellement pensé à ces lettres. Voilà. Et qu'y a-t-il de changé aujourd'hui? Je suis toujours celle que Francis a décrite. La nuit ne m'a pas transformée. C'est le jour qui vous transforme. Je vous observais tout à l'heure et je suis persuadée que vous n'êtes pour rien dans ces ridicules simagrées. Vous n'êtes pas complice de votre mari, mais vous êtes quand même une pauvre enfant à qui l'atmosphère d'ici ne peut faire que du mal. Faut partir. Vous aussi? Mais que signifie ce « vous aussi » Vous a-t-on conseillé de vous éloigner? Pas en parole. On m'a bien reçu. Ma belle-sœur s'est mise en frais pour moi. Mais je la gêne. Cela se devine à tout instant. Et ma belle-mère n'a pas manifesté le désir de me connaître. Vous la connaîtrez toujours assez tôt. Une femme d'humeur changeante qui n'est pas toujours aimable pour sa propre fille et qu'on laisse à ses innocentes manies. Les gâteaux. Alix m'a prévenu. Elle a eu raison. Cette nuit, Madame de Chaligny est descendue à la cuisine. Ah. Et qu'avez-vous fait, vous? Rien. J'ai attendu que ce soit fini. Il n'y avait rien d'autre à faire. Mais cela ne contribue pas à rendre la maison sympathique. Oh non, non, croyez-moi, même si vous interprétez mal mes paroles, et vous en avez le droit, j'aimerais mieux vous savoir loin d'ici. Chez moi? Que sais-je? Où il vous plaît d'aller? Ça ne me regarde pas. Je n'ai pas à me demander où vous irez et qui vous attend. Vous êtes une femme mariée. C'est à votre mari de vous accueillir, de vous protéger. Mais que diable, Agnès de Chaligny! Vous êtes Agnès de Chaligny? C'est pour cela que je croyais trouver ici un autre accueil? Oh, sans doute. Mais nous sommes des sauvages et nous ne savons pas nous comporter normalement. Ah, plus vite vous nous quitterez, mieux cela vaudra. Alix n'a pas été aussi catégorique que vous. Elle m'a donné une autre chambre. Pour cette nuit, du moins. Oh, c'est à quelle chambre? L'ancienne chambre de Francis. Ben, je vous souhaite de beaux rêves. Et demain, pour faire amende honorable, je vous conduirai avec la voiture, s'il vous plaît, jusqu'à Chalonne. Cela vous facilitera votre retour. Le rendra moins onéreux. Et vous, ce qu'il vous faut? Francis m'a prié de ne rentrer que lorsqu'il me rappellerait. Et l'on obéit à Francis comme un petit chien qu'on siffle. Oh, c'est touchant. Je ne savais pas que l'on trouvait dans les grandes villes des épouses aussi obéissantes. Alix ne m'obéit jamais. Je ne vous demande pas les secrets de votre ménage. Épargnez-moi votre curiosité. Oh, pardon. Vous êtes susceptible. C'est sans doute que vous adorez Francis. Et quels que soient mes sentiments, ils ne concernent pas les étrangers. Un beau frère n'est pas un étranger. Mais je ne vous connais que depuis hier. Parfait. Vous ne dites pas que ce peu est encore trop. Oh, voulez-vous me laisser rentrer, je vous prie? Cette conversation devient pénible. Celle d'hier soir m'a suffi. Agnès! Que voulez-vous encore? Revenez. Revenez vous asseoir. Et ne partez pas. Puisque cela vous plaît de rester. Seulement, comment puis-je vous parler si vous me tournez le dos? Un instant, un seul instant, Agnès, et je vous laisse. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne vous importunerai plus. M'entendez-vous ou non? Et dois-je aller vous chercher? Non. Je vous fais peur encore? À ce point? Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? Vous n'avez pas achevé votre phrase. Seulement? Seulement quoi? Seulement, vous voudrez bien vous souvenir que je vous ai donné un conseil et que vous ne l'avez pas suivi. Mais les conseils sont-ils faits pour être suivis? Celui-là, oui. Oui. Voyez-vous, vous avez beau être marié et marié avec Francis, ce qui doit représenter pas mal d'expérience dans pas mal de domaines. Vous ignorez encore beaucoup de choses. Vous ignorez, par exemple, que les fonds de l'aume ne sont pas la demeure qui vous convient. Elle vous convient bien à vous autres. Ah oui! Alix qui est née ici. À moi qui suis originaire d'un village proche et qui ai toujours connu la famille. À Madame de Chaligny qui est arrivée ici il y a 40 ans pour se marier et qui ne s'en est jamais éloignée. Ne dites-vous pas cela pour me rappeler que personne n'est sorti d'ici à l'occasion de mon mariage? Non. Mais c'est à l'appui de ce que je vous explique. Les fonds de l'aume, usine, forge, maison, moulin, atelier, Jean, forment un tout. Ce tout rejette violemment le passant, le voyageur. D'ailleurs, est-ce que cela vous fait vraiment quelque chose que l'on ne soit pas venu vous rendre visite à Paris? Bon, j'espère que vous êtes au-dessus de ces conventions. Mais non de la tendresse? Oh, la tendresse. Quelle exigence. Je vous répète que ma belle-mère ne quitte jamais la maison. Et Alix ne quitte, pour ainsi dire, jamais sa mère. Je ne savais pas qu'elle l'aimait à ce point. Non, je n'ai pas dit qu'elle l'aimait à ce point. J'ai dit qu'elle ne la quittait jamais. Aime-t-on nécessairement les malades que l'on soigne, les gens que l'on épouse? Tout cela ne me dit pas contre quel péril vous me mettez en garde. Je parlais de péril. Le seul péril, c'est moi. Oh, d'ailleurs, vous l'avez bien vu. Je m'accommoderai à la longue de ce péril. Rien d'autre à signaler? L'habitude. Quelle habitude? De vivre ici. Ça vous paraît bizarre? Ce n'est que prudent. Il faut fuir les sables mouvants, les marécages, la monotonie. L'air que l'on respire en ce lieu n'est pas aussi tonique que vous pourriez le croire. Il est dissolvant. La volonté s'émiette. J'ai gâché ma vie. Agnès de Chaligny. De toute façon, je ne resterai pas assez longtemps pour gâcher la mienne. En soit. Après tout, quelques jours, quelques semaines de vacances ne vous feront pas de mal, du moins je l'espère. Tout de même, j'aurais préféré ne jamais vous connaître. Et croyez-le bien, je le dis sans offense, je pense à vous en ce moment. Plus qu'à moi. Vous me comprenez? Oui. Peut-être aurais-je préféré aussi ne pas venir au fond de l'aume. C'est pourtant bien beau. Ce côté-là, surtout. L'autre me fait peur. Ah? Pourquoi? Parce que la nature sauvage m'impressionne moins que les ruines. Les ateliers vides, l'état de ferraille, le moulin dévasté, c'est comme la faillite d'une grande espérance. Oui, c'est un peu cela. Mais, à vrai dire, tout marchait relativement bien jusqu'à la mort de M. Chaligny. Il est mort en 1925. Pourquoi n'a-t-on pas continué l'exploitation après sa mort? Difficulté de communication, matériel usagé, manque de main-d'œuvre, de direction. Cela n'intéressait pas, Francis. Mais vous, vous qui êtes resté? Il y a des métiers qui ne s'improvisent pas. J'aurais aimé cultiver la terre. Les miennes sont affermées, du moins ce qui en reste. Mais Alix ne voulait pas quitter la maison, ni sa mère. Oh, je la batte de temps en temps. Ma belle-mère pouvait faire appel à une collaboration étrangère? Ma belle-mère n'a pas voulu, au début de son veuvage, en entendre parler. Et personne n'a pu, avec le temps, la faire revenir sur sa décision? Non. Non, elle échappe maintenant à toutes les influences. Du reste, personne n'influence les Chaligny. Je vous l'ai dit hier, avec brutalité, mais vous le constaterez vous-même. Comment est-elle, ma belle-mère? Alix. Alix, ne vous en faites pas l'historique. Oh, vous m'étonnez. Elle est déroutante. Elle a des crises d'humeur. Il lui plaît d'assumer des personnalités. Alix est affligée du même penchant. Elle joue sa vie comme une pièce de théâtre en 100 rôles d'hiver. On ne peut jamais s'ennuyer avec elle en ce moment. C'est un mélange de... d'Ibsen et de Pirandello. Quels sont les auteurs préférés de ma belle-mère? Oh, les mélodrames ne lui font pas peur. L'essentiel est de n'y prêter aucune attention. Votre domestique joue-t-elle un rôle, elle aussi? Mon pauvre brute. Non, elle boit, puis elle cuve son vin. Entre-temps, elle aide Alix. Oh, elle n'est pas mauvaise, au loin de là. Ne pourriez-vous trouver quelqu'un qui boive moins et travaille davantage? Ce n'est pas pour moi que je dis cela, car je n'ai qu'à me louer d'elle. Mais Alix pourrait être aidée davantage. Alix n'a rien d'autre à faire. D'ailleurs, ma belle-mère tient à la juste sourde. C'est la veuve d'un des anciens ouvriers de l'usine. Elle occupe encore un des logements. Et puis, je ne sais pas si nous trouverions quelqu'un qui consente à vivre dans une pareille retraite. La juste sourde fait partie des fonds de l'Aume. Oh, c'est une sorte de troglodyte. Et puis elle pêche admirablement et nous vivons ici surtout de poissons. Croyez-vous qu'elle m'emmènera à la pêche? Pourquoi pas, m'a demandé lui. Mais je devais aller en promenade avec Alix. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je l'ai croisée tout à l'heure, elle conduisait l'auto. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait sortir, que sa mère avait besoin d'elle. C'est pourquoi je suis venue ici. Je ne savais où aller. Vous ne savez où aller. Ma femme ne s'occupe pas de vous. Ma belle-mère vous ignore et je suis un ours mal léché. Encore une fois, pourquoi ne voulez-vous pas partir? Je ne peux pas partir. C'est bien. Si vous devez habiter quelque temps parmi nous, Agnès de Chaligny, vous serez contrainte à des habitudes qui pourraient vous répugner. Par exemple? Il vous faudra feindre de dormir quand vous veillerez, feindre d'ouvrir les yeux quand vous dormirez, feindre de croire les mensonges et feindre de mentir vous-même. Par exemple? Par exemple, aujourd'hui, Alix a faim de rester auprès de sa mère, mais elle est sortie. Et vous feindrez de n'avoir rencontré personne dans le parc. Et cependant, nous avons passé une heure ensemble. Une heure? Une heure. Ce soir-là, je m'endormis en songeant à la chute des Chaligny. Je m'endormis sans rêve pour être réveillée par un tumulte effrayant. Des coups sourds résonnaient dans l'escalier. Puis, avec horreur, je perçus des cris inarticulés et les vociférations d'une voix avinée que je reconnus, hélas. Des chants, des imprécations, des éclats de rire alternaient avec des supplications et des injures. Je ne sais combien de temps cela dura. Une éternité ou quelques minutes. Dans mon angoisse, je crus entendre Carlo crier mon nom. Alors je me rappelais qu'il m'avait mise en garde et que je ne l'avais pas cru. L'atmosphère ici ne peut vous faire que du mal. Il faut partir. Je voudrais bien vous souvenir que je vous ai donné un conseil et que vous ne l'avez pas suivi. Le seul péril, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je partirai demain. Je partirai. Seigneur, quelle figure, Agnès! Ne me dites pas que c'est mon éthylique qui vous a mise dans cet état avec ses extravagances. J'espère que vous ne les avez pas prises au sérieux. Figurez-vous qu'il avait ramassé une espèce d'enclume, de masse de fonte, de bombarde, et qu'il mimait le chapitre de la caronade dans je ne sais quel bouquin du Père Hugo. La caronade. Ah, c'est Carlo tout craché. Il m'a raconté ça pendant que je lui collais un emplâtre sur le front, car naturellement, il est dégringolé avec son instrument. Et s'il est encore en vie, c'est qu'un dieu veille sur ce genre d'individu. Ne me demandez pas quel dieu. Bacchus, probablement. Enfin, nous aurons la paix pendant 24 heures, il est assommé. Ce n'est pas grave. Non. Mon fou m'a quand même tenu éveillé jusqu'à 2 heures, car je craignais qu'il ne vous égorgeât. Il cristallise contre vous, ma pauvre Agnès. Je me demande pourquoi. Je l'ai pourtant adjuré de vous ménager, mais c'est lunatique. Il faut les prendre comme ils sont. Il avait décidé de vous pulvériser. Oh, mais qu'avez-vous à être verte comme ça, ma pauvre Agnès? Oh, vous ne voulez pas vous éteindre? Non, non, non, merci, ce n'est rien. Oh, d'ailleurs, rassurez-vous, la crise est passée. Il vous baisera les mains s'il vous rencontre. Une fois, il m'a traîné par les cheveux autour du lit et 6 heures après, Il m'apportait une gerbe d'orchidée de 6 louis. Attendez, je sais ce qu'il vous faut. Il y a de la liqueur de raspail à la cuisine, c'est soubre. Non, non, mais je vous jure que vous n'en avez pas besoin. Passez-moi la bouteille de raspail. Madame Agnès est malade? C'est un malaise, il faut la remonter, l'étendre. Ah, il ne manquait plus que cela. Trois malades sur les bras. Non, Alix, c'est inutile, laissez-moi. Je me sens mieux. Je me reposerai après déjeuner et tout ira bien. Je vais quand même télégraphier à Francis. Oh, je vous en prie. Mon désir de départ est aussi grand que le vôtre. Je ne serais plus ici si je m'étais réveillée à temps ce matin pour prendre le car. Puisque vous allez mieux, j'en profite pour monter voir Carlo. Si vous avez besoin de quelque chose, la juste on reste avec vous. Vous avez eu peur cette nuit? Oui. Peur de qui? De lui, d'elle? D'elle? Non, de lui. Faut pas, il est pas dangereux. C'est quand il est à bout qu'il boit pour oublier. Mais oublier quoi? Tout. En tout cas, vous en faites pas. Elle n'enverra pas le télégramme. Pourquoi? Parce que ça vous ferait plaisir. Ah, il dort toujours. Bien vrai, Agnès, vous ne voulez pas monter? La Gisourde vous aurait porté. Je me demande si le pâté ne serait pas un peu lourd pour vous aujourd'hui. Vous ferez un œuf pour Madame Agnès. Bien, madame. Et ce soir, du riz. Madame. Avez-vous un régime? Non, Alix. Si vous alliez vous reposer encore un peu. Oh, oui, je crois que cela me fera du bien. Écrit à mon frère. Pour moi, s'il vous a envoyé ici, c'était pour vous changer d'air, vous reposer, et non pas, comme j'étais fondée à le supposer, pour nous demander de l'argent à maman et à moi. Dans ces conditions, il y a peu de chances qu'il vous rappelle et j'aurai l'air d'une harpie en vous renvoyant. J'ai donc décidé de bien m'occuper de vous choyer, chère Agnès. Seulement, soyez franche avec moi. Entre femmes, entre sœurs, on ne doit pas avoir de secrets de ce genre. Allons. Avouez. Mais Alix, je ne vous dissimule rien. Je n'ai rien à avouer. Petite cachotière. Tout vous démasque. Votre pâleur, vos malaises, votre nervosité, votre maigreur même. Mais je ne sais pas pourquoi j'insiste. La nature vous trahira un de ces jours. En tout cas, j'ai préparé maman tout doucement. Il faut toujours préparer maman. Ses réactions sont tellement inattendues. Et puis, malgré son intelligence, c'est une anxieuse qui s'alarme de tout. Peu importe. Fiez-vous à moi. Je vais expédier Carlo chez lui, depuis le temps que son fermier le réclame. Quand je pense au danger auquel vous expose son intempérance, vous auriez pu avoir un accident. Vous vous trompez, Alix. Je ne risque rien. Je ne suis pas... Je n'obtiendrai rien de vous. Je n'insiste plus. Nous verrons. J'ai souvent rêvé d'avoir une amie comme vous, Agnès. C'est dommage que vous habitiez si loin. Et quand vous serez repartie, vous ne reviendrez plus. Et qui sera bien aise? C'est Alix, n'est-ce pas? Bon, je sais, je vous ai mal reçue. Mais mettez-vous à ma place. Croyez-vous que je sois une femme heureuse, ou sinon heureuse, tranquille? Je vous assure que par moments, à force de soucis, je perds la tête. Il m'a manqué une amie. Ce n'est pas parce que je vis auprès de ma mère que cette intimité me suffit. Les relations de mère à fille sont toujours tendues, quoi qu'on fasse. Notez que je m'entends très bien avec maman. J'obtiens d'elle tout ce que je veux. Quelques jours se passèrent sans incident. J'appris le départ de Carlo. Il s'en était allé, conduit par Alix, qui revint de cette expédition tout animée. Ah, pourquoi faut-il que Carlo ait ce vice dans le sang? Il n'existerait pas d'homme plus adorable, mais c'est plus fort que lui. Je voudrais tout de même bien savoir ce que vous lui avez fait. Moi? Oui, vous! Il courait au bout du monde pour ne pas vous rencontrer. Vous êtes sûre que vous ne lui avez rien dit le soir de votre arrivée? Francis le déteste tellement qu'il vous aura influencé et que malgré vous... Oh, mais je vous jure... Enfin, cela ne sert à rien de revenir en arrière. L'absence de Carlo, considérée d'abord par moi comme un sujet d'inquiétude, rendait mes rapports avec sa femme plus calmes et plus réguliers. Soit que Madame de Chaligny fût réellement souffrante, soit que par esprit de contradiction, elle ne voulût pas sortir de sa chambre tant que je serais sous son toit, je ne l'avais pas encore rencontrée. Elle ne m'avait pas encore appelée à son chevet. Quant aux lettres que j'écrivais à Francis, elles demeuraient sans réponse. Ce qui remplissait d'aise ma belle-sœur. Et surtout, Agnès, ne m'attendez pas pour dîner. Vous n'aurez qu'à vous servir. Je vais consulter mon architecte et cela demandera un certain temps. Ne vous inquiétez pas si je rentre tard. Bien, Alix. Oh, j'aurai de la chance si je rentre avant la pluie. Regardez ce ciel. Oh, vous n'avez pas encore vu d'orage au fond de l'aume. Ils sont terribles. Allez, au revoir. À tout à l'heure, Alix. Bonjour, madame. Bonjour, facteur. On se promène? Je prends un peu l'air. Ah, vous feriez mieux de pas trop vous éloigner de la maison. Ça va se mettre à tomber d'un seul coup. Vous entendez ça? Ah, ça va tomber, oui. Ah, une lettre pour vous. Pour moi? Eh oui, vous n'en attendiez pas? Je ne l'attendais plus. Eh ben, tout arrive. Allez, je me dépêche. Au revoir, madame. Mon petit, j'espère que tu te plais dans ma famille. Je ne t'ai pas répondu plus tôt parce que j'ai eu pas mal d'envêtements. Et comme tu ne me dis rien de l'affaire dont je t'ai chargée, il a fallu que je me débrouille. Je me suis fait inviter chez des gens qui ont une propriété dans le Cher, grosse galette, et j'ai loué l'atelier pour un mois à Chouvanoff. Par conséquent, reste où tu es si tu ne veux pas coucher sous les ponts. Dans un mois, on verra, ton retour dépend de toi. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que la belle Alix est toujours aussi poison? Embrasse-la de ma part, pensée de Francis. Vous ne savez pas si timide. Ah, avancez. À vue baisse, je ne distingue pas très bien vos traits. Asseyez-vous, ma chère. J'apprécie votre visite. Ah, ne m'a pas gâtée depuis quelque temps. Mais je n'espère plus rien du monde. Et c'est encore, je suppose, une faveur qu'il me fait de m'ignorer. Souvenez-vous, avez-vous pu vous abriter en route? Ah, ces orages sont épuisants. J'écrivais dans ma chambre, et vous me croirez si vous voulez, un ange m'a délivré. D'aucuns diraient que c'est le vent. Je viens du jardin, madame. Ma mère. J'ai pu à temps gagner la maison. Parfait, parfait. Quelle nouvelle m'apportez-vous? Francis va bien. Il regrette beaucoup de n'avoir pu m'accompagner et vous remercie de bien vouloir m'accueillir. J'espère qu'il viendra me chercher. M'apportez-vous au moins ce que je vous demandais? Ah, ça m'ennuie d'être obligée de demander sans cesse. Du temps de mon mari, ce n'était pas ainsi, j'étais gâtée. Il me défendait contre tout un chacun et principalement contre sa famille. Je puis, vous entendez, je puis faire la preuve que Charles m'aimait. On en a douté, tout mon malheur vient de là. On me dit que vous venez de Paris. Ah, quel voyage, quelle fatigue. Parle-t-on beaucoup de moi? Qu'avez-vous entendu? Que dit-on? Francis vous aime et vous respecte beaucoup. Il me parle très souvent de vous. Et s'il vous fait de la peine, c'est plutôt parce que sa situation est embarrassée. Mmh. Oui, nous sommes quelquefois très gênés, bien qu'il travaille beaucoup. En ce moment, il cherche à obtenir une commande. Cela peut rapporter beaucoup, surtout si d'autres commandes la suivent. En attendant... Non, j'ai la tête cassée des affaires. Une femme n'est point faite pour les entendre. Que s'adresse-t-il à Denis? Cet individu qui ne me revient pas à eux dont je me méfie et qui a été le mauvais ange de Charles le tirera encore une fois d'embarras. Moi, ma chère, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains et je m'en lave les mains. Et je m'en lave les mains. Vous comprenez que cette histoire de traite demande des éclaircissements. Et que je les ai fournis en haut lieu. Qu'on fasse parler, Denis. Pour moi, ces interrogatoires me lassent. Et je boirai volontiers un verre d'eau de gomme, qui est excellente contre toutes les affections de l'estomac. Savez-vous faire la cuisine? Pas très bien. Enfin, c'est-à-dire que je peux faire une cuisine simple, courante. Mm-hmm. Je fais la cuisine à Paris. Nous n'avons pas de domestique. Chut, on nous écoute. Aussi ne vous donnerai-je pas la recette maintenant. Je ne vous la donnerai qu'en présence de l'aumônier. Ainsi, vous serez assuré devant Dieu qu'elle est conforme. Conforme? Conforme à quoi? Eh bien, répondez. Vous me cachez quelque chose. Que me cachez-vous? Pourquoi êtes-vous ici d'abord? On m'avait dit que je serais tranquille. Et que je pourrais mourir en paix. Oh, mais je ne voulais pas vous troubler, ma mère. Si j'avais su que vous étiez au salon, je ne me serais pas permis d'entrer. Oh non, j'aurais attendu que vous me fissiez appeler. Non, c'est bien, bien. Je vous crois, mais ne m'appelez pas ma mère, car je n'ai pas d'enfant. Ne pleurez pas, surtout ne pleurez pas. Depuis la mort de Charles, je n'ai pas versé une larme. Et maintenant, apportez-moi un verre d'eau de gomme, je vous prie. Je crois vous l'avoir déjà demandé. Où trouverai-je ce qu'il faut pour vous le préparer, madame? La poudre dans mon tablier de tartanoir. Et d'ailleurs, il y en a des traces partout. À l'intérieur des tasses et dans les tiroirs. Partout où je passe, vous trouverez de cette poudre. Et vous en mettrez dans l'eau afin de la rendre adoucissante. Allez! Tenez, madame, voici le verre d'eau que vous m'avez demandé. Et cette feuille de papier blanc qui vient de vous échapper des mains. Merci, Emma. Mais vous saurez que ce n'est pas une feuille de papier blanc, comme vous venez de le dire. Et que cette confession ne vous était pas destinée. Quand elle sera terminée, ce qui ne serait tardé, car j'écris jour et nuit, au mépris des règlements, elle prouvera mon innocence, envers et contre tout. Et si elle ne la prouve pas, je m'en lave les mains. Et je m'en lave les mains, comme ceci et comme cela, avec votre verre d'eau, sans plomb. Mais madame, mais je n'ai pas trouvé de poudre de gomme. J'ai pensé qu'un morceau... Non, je m'en lave les mains, je m'en lave les mains. Et je m'en lave les mains. Mon Dieu. Et je m'en lave les mains. Madame Agnès, mais qu'est-ce que vous faites dehors sans chapeau sous la pluie? Madame Jussot, si vous... Allez, allez, entrez vite, entrez vite. Ah, madame, j'ai pas de feu, moi, pour vous réchauffer. Venez, vous allez boire un bon verre d'alcool, c'est radical. Non, non, non, non, merci. Allez, allez, allez, allez, vous allez boire ça tout de suite. Alors, hein? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Écoutez, je voudrais l'adresse de Carlo. Hein? Enfin, de Monsieur Vallier. Pouvez-vous me la donner, Madame Jussot? Si je peux vous donner l'adresse de M. Vallier, ben oui, pour sûr, mais pourquoi faire? J'ai peur. Peur de quoi? Je sais. Je ne veux pas retourner là-bas, Madame Jussot. Oh. Et je ne sais pas où aller. Alors je vous en prie, et dites-moi comment je peux me rendre chez mon beau-frère. Ben, votre belle-sœur, elle dit qu'il ne vous aime pas, qu'il vous fait des scènes, qu'il est comme fou depuis que vous êtes dans la maison. Voilà ce qu'elle dit, votre belle-sœur. Il ne m'aime pas. C'est vrai, mais... Mais, hein? Qu'est-ce que vous iriez faire chez lui, alors, si vous savez qu'il vous aime pas? Si vous avez peur là-bas, restez ici tout bonnement en attendant que Madame Alix revienne. Mais vous avez tort d'avoir peur, il n'y a rien à craindre. Je croyais que vous saviez. Je voudrais aller chez mon beau-frère. Il m'aidera, il me fera partir. Je veux partir. Vous êtes drôle. Vous êtes un drôle de corne, hein? On vous a pourtant bien dit ce qu'il était, M. Carlo, hein? Avouez. Sa femme ne vous l'a pas rabâché? Vous avez vu qu'il buvait, ça c'est connu. Mais le reste, peut-être bien que sa maison n'est pas une maison pour une dame comme vous. Peut-être bien qu'il ne vous recevra pas. Peut-être bien que vous y trouverez des personnes qui ne sont pas de votre monde. On m'a dit tout ce qu'on pouvait me dire et ça m'est égal. Mon beau-frère est libre. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Oui, il peut bien boire, il peut bien me détester. Il peut bien y avoir chez lui des personnes qui ne sont pas de mon monde, comme vous dites, Madame Jussot. Hein. Mais je sais, malgré tout ça, que si je lui demande de m'aider, il m'aidera. Il ne me fera pas peur, il ne me jettera pas dehors, il m'aidera. Mais à quoi donc vous devinez tout ça, Mme Francis? Oh, je ne sais pas. Et si vous vous trompiez? Oh, non, je ne peux pas. Savez-vous monter à bicyclette? Ah, non, faites pas cette tête-là, Mme Francis. Je vous demande si vous savez monter à bicyclette. Oui, mais il y a bien longtemps, je n'en ai pas eu l'occasion. Bon, ben, vous tiendrez dessus. Oh, sûrement. Écoutez-moi, parce que voilà, c'est loin, hein. 10 kilomètres et vous pouvez pas faire ça à pied dans l'état où vous êtes. Mais j'ai ma vieille bécane toute rafistolée, je vais vous la prêter. Seulement, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il faut vous méfier, hein. On sait jamais. Les murs ont des oreilles et des yeux. Oh oui, oh, elle a beau ne pas être là. Je sais pas comment elle s'y prend, mais elle sait tout. Alors voilà. Vous allez sortir de chez moi tout tranquillement, comme si vous alliez vous promener, et vous allez partir par le pont. Seulement, vous prendrez pas la route de Chalonne, hein. Vous tournerez sur votre gauche, dans le petit chemin, et vous marcherez jusqu'à ce que vous arriviez à une passerelle de bois. Là, vous m'attendrez. Vous n'aurez pas chaud, vous n'aurez rien pour vous protéger de la pluie. Vous voulez pas rentrer pour vous chercher un manteau? Non. Eh ben, bon. Alors, je vais vous donner un sac, je le roulerai sur la selle et vous le mettrez. Ah, c'est pas élégant. Mais quoi, hein? Il s'en moque qu'on soit élégant, M. Carlo. Comme vous vous moquez qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas. Ah, sortez. Entraînez pas comme ça! Est-ce que vous voulez partir ou rester? Elle serait bien capable de revenir, vous savez. Surtout si elle vous a dit qu'elle rentrerait tard. Jamais elle fait ce qu'elle dit. Vous n'avez vu personne? Non, personne! Est-ce que vous reviendrez, Mme Francis? Toute seule, non. Mais si mon beau-frère voulait me ramener et rester ensuite au fond de l'Aume, je crois que je n'aurais pas peur. Pourtant, il vous aime pas. Oh, c'était pas dans sa nature d'être comme ça. Mais que voulez-vous? C'est pas sa faute à lui, c'est sa faute à elle. Elle le rend fou, avec ses mines, ses manières. Toujours jouer la comédie, mentir. Il serait bien plus heureux si elle n'était pas là. Il retournerait dans sa maison. Son père avait du bien. Vous savez, le vieux monsieur Vallier, et les terres rapportaient. Mais chaque fois qu'il veut aller là-bas, ce sont des lamentations, des cris, des scènes. Il a dû louer sa grande maison à des gens de Paris qui viennent pour la pêche. Lui, il ne s'est gardé qu'un bout de pavillon, c'est là où vous le trouverez. Et maintenant, écoutez, je vais vous expliquer. C'est pas bien compliqué. Vous n'avez qu'à prendre toujours les bifurcations à gauche. Et puis vous passerez une colline. Alors là, vous tournerez à droite et vous trouverez un petit chemin tout de suite après un poteau indicateur. Vous serez rendu. Vous avez compris? Oui, Madame Jussot. Toujours à gauche. Oui. La colline à droite. Oui. Le poteau indicateur. Oui. Le petit chemin. Si elle me demande où vous êtes, je dirais que vous avez été vous promener sur la route de Chalonne et qu'elle aurait dû vous rencontrer. Mais si je ne revenais pas, comment faire pour votre bicyclette? Laissez, allez, laissez, vous en faites pas. M. Carlo se débrouillera bien pour me la rendre. Mais vous reviendrez. Au revoir, Madame Jussot, et merci. Tombez pas. Bonne route. Alors, c'est vous, mon vieux? Vous avez mis un temps. C'est moi, Carlo. C'est Agnès. Mon Carlo, ne vous mettez pas en colère. Je n'ai que vous, j'ai peur. Mais peur? Peur de quoi? D'abord, comment êtes-vous venu? Qui vous a conduite? La Jussot m'a indiqué le chemin, il m'a prêté sa bicyclette. Comment vous êtes venu à bicyclette? Et par ce temps? Mais à quoi pense cette femme? Et quelle imprudence dans votre état? Oh, 10 kilomètres, ce n'est pas très loin. Et je ne vois pas en quoi j'ai commis une imprudence, en espérant que vous me comprendriez et que vous m'aideriez. Je ne suis pas grand clerc et mes idées sur ces sortes de choses sont probablement fort naïves. Mais je connais les routes et je sais qu'elles sont mal entretenues. Je sais aussi qu'il vous faudra refaire en sens inverse le même chemin. Et je répète qu'une femme dans votre état se doit d'être prudente. Bon, je ne suis pas mourante. Si c'est une allusion de plus aux lettres de Francis, je ne suis malheureusement pas mourante. Ne cesserez-vous pas de me reprocher des exagérations dont je ne suis pas... Non, n'en parlons plus. À moins que vous ne désiriez me renforcer ma grossièreté dans la gorge. Je croyais m'être excusé une fois pour toutes. Alors si vous ne faites pas allusion aux lettres de mon mari, à quoi faites-vous allusion? Mais je n'ai pas d'autre état que celui où vous me voyez et qui m'amène à vous demander un service. Allons, allons, allons, allons, nous sommes déjà mariés tous les deux. Et vos réticences de pensionnaire sont absurdes. Vous n'avez pas à rougir de ce qui vous arrive. Je ne vous en blâme pas. Je blâme votre témérité. Écoutez, Agnès, ne jouons pas au plus fin. Vous êtes ici et ce que j'entrevois, c'est que vous avez cédé à une impulsion morbide. Et que moi, mon devoir, c'est de vous faire ramener au fond de l'aume, en auto ou en voiture, à bicyclette, non. Je ne tiens pas à charger ma conscience de plus de méfaits qu'elle n'en peut porter. Encore une fois, je vous répète que je suis capable de rentrer comme je suis venu, à supposer que je veuille rentrer. Mais je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais mon Dieu, que vais-je devenir? Ah, vous obéirez, Agnès. On l'a fait. Asseyez-vous. Vous voulez vous boire quelque chose? Je n'ai rien à vous offrir que des restes de liqueur. C'est mauvais pour vous. Encore? Mais quelle sollicitude! C'est dommage qu'elle ne vous incite pas à m'écouter et à m'aider. Mais moi, je vous répète que je sais ce qu'Alix m'a dit et que j'agirai en conséquence. Ce qu'Alix vous a dit? Oui. Alors, je voudrais bien savoir ce qu'Alix vous a dit. En général, elle dit ce qu'elle veut et non ce qui est. Il y a tout de même des choses qu'on n'invente pas. Bon, il y en a qu'elle a su me cacher. La folie de sa mère, par exemple. Agnès! Oh, vous pouvez dire Agnès et redire Agnès, Agnès sur tous les tons. Et même Agnès tout court et même Agnès de rien. Il n'en reste pas moins vrai qu'au moment où j'étais le moins préparé, j'ai découvert cette abomination. Vous êtes là à vous récrier parce que j'ai fait 10 km à bicyclette, oui. Ce qui est à la portée d'un enfant. Et vous ne vous inquiétez pas de savoir dans quelle épouvante je suis plongée et combien j'ai peur, peur. Non, non, non, non, non, Agnès, non, non, non, ne craignez rien. Moi, c'est ridicule. Ça n'a rien à voir. La folie de Madame de Chaligny est inoffensive, accidentelle. Elle n'a absolument aucun caractère héréditaire. Je vous jure que vous n'avez rien à craindre, ni pour vous, ni pour l'enfant. Quel enfant? Mais Alix m'a dit que vous étiez souffrante parce que vous attendiez un enfant. Mais ce n'est pas vrai, Carlo. Alix, à plusieurs reprises, m'a fait à moi-même des allusions à ce sujet. Et toujours, je lui ai répondu que ce n'était pas vrai. Mais Francis n'a jamais voulu. Je ne savais pas pourquoi et maintenant je sais. Et vous et Alix, je suppose que c'est pour la même raison, n'est-ce pas? Malgré ce que vous venez de m'affirmer. Enfin, cela n'empêche, Carlo. Je suis très touchée de ce que vous m'avez dit à l'instant. Vous ne m'aimez pas, et pourtant vous avez eu pitié de l'horrible angoisse qui eût été la mienne si... Enfin, si Alix avait dit vrai. Je vous en remercie. Non, vous n'avez pas à me remercier. Le soir où Alix m'a expliqué votre fragilité à sa manière, ça ne m'a pas empêché de me conduire comme une brute. J'aurais pu vous effrayer, vous rendre très malade. Mais c'est à cause de cela que vous êtes parti? Parce que je n'ai aucun contrôle sur moi-même quand je suis parti. Alix me l'a fait comprendre. Elle ne voulait pas qu'il vous arrivât un accident. Oh, il me semble que la folie de Madame de Chaligny était plus à craindre. Que la mienne. Vous vous trompez. La folie de Madame de Chaligny est des plus bizarres, mais elle n'est pas dangereuse. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accidentelle. La mort de son mari lui a porté un coup violent. Bien qu'elle ne passa pas pour un modèle de tendresse conjugale. Mais elle y tombe jamais au fond du cœur. Toujours est-il qu'il s'est produit quelque chose de bien inattendu. Peu après la mort de Monsieur de Chaligny, sa femme a été atteinte de prostration, qui a nécessité un internement. Disons, une hospitalisation dans une maison de santé pour maladie mentale. Oh, rien de très caractérisé d'ailleurs, sinon l'apathie, une sorte d'indifférence à sa propre personnalité, de détachement à l'égard des enfants. Mais c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Alix, ou plutôt de la rencontrer davantage. Mon oncle étant un des médecins de la clinique, Alix faisait preuve de beaucoup de courage. Plus que Francis, qui est mort. Oui. Mais je préfère ne pas porter de jugement sur votre mari, vous ne l'admettriez pas. Oh, je préfère que nous ne parlions pas de Francis. Oui, cela vaut mieux. En tout cas, Alix se trouvait fréquemment seule. Ce n'est pas drôle d'être seule au fond de l'aume, vous savez, Agnès. Pas drôle du tout. Elle avait du cran. Je me fiançais à Alix. Il fut décidé que nous nous épouserions dès la guérison de Madame de Chaligny, dont mon oncle se portait garant. En effet, Madame de Chaligny, un beau matin, regagna sa maison et reprit sa vie habituelle. De sorte qu'Alix et moi, nous pûmes nous marier. Quelques jours après, elle commença à tenir des propos étranges, à nous parler de personnages inconnus. Cela différa notre voyage de noces. Il fallut de nouveau faire venir des docteurs. Et l'on s'aperçut peu à peu que Madame de Chaligny, qui au moment de la mort de son mari lisait les mémoires de Madame Lafarge, s'identifiait à cette dernière. Ne me demandez pas ce processus mental, je crois qu'il n'est pas exceptionnel. Il comporte même des trêves fréquentes. Pendant des jours et des jours, Madame de Chaligny est aussi saine d'esprit que vous et moi. Et puis, tout à coup, elle glisse dans son personnage avec, bien entendu, des lacunes, des modifications. Alors, elle recommence à pétrir des gâteaux. Je sais, je l'ai vu. Quand cela ? Le jour de mon arrivée. Ah, rien ne vous a été épargné. Et cela ne vous a pas paru anormal ? Jusque-là, rien ne m'avait paru normal. Pas même moi. Pas même vous. Vous n'avez pas eu l'impression que son cerveau était dérangé? J'ai trouvé que c'était bizarre de faire des gâteaux la nuit. Mais à la réflexion, pourquoi pas? Chacun lutte avec l'insomnie comme il peut. Les gens qui aiment lire lisent. Et ceux qui aiment la pâtisserie font des gâteaux. Seulement? Oui, seulement j'ai eu la curiosité de goûter les gâteaux. C'était horrible. Du plâtre, du ciment, je ne sais quoi. Alors, Alix m'a donné une explication, sans que je la lui demande, d'ailleurs. Elle me dit que sa mère gaspillait la farine, le beurre, ce qui justifiait qu'on les remplaçât par ces abominations. Oui, en somme, Francis ne vous a jamais averti. Non, jamais. Ni Alix, directement. Oh, je pense qu'elle a tenté maintes fois de m'avertir, mais les choses qu'elle me disait me laissaient loin quand même de soupçonner la vérité. Elle m'avait, par exemple, parlé de la confection des gâteaux la nuit et prié de ne rien manger de ce que préparait ma belle-mère, ni de ce que vous pourriez préparer, Carlo. Mais je crois que c'était pour embrouiller l'autre confidence. Alors comment voulez-vous que j'aie compris? Et vous aussi, d'ailleurs. En me mettant en garde, vous n'avez rien précisé. La seule chose qui restait bien claire et bien nette dans tout ce que tout le monde disait, c'est que personne n'avait envie de me voir au fond de l'aume. Moi, le premier, Agnès? Vous êtes certainement le premier qui m'ait donné cette impression. Mais je puis m'être trompée. Je ne savais pas que vous ignoriez tout. Me paraissait invraisemblable que Francis vous eût envoyé chez sa mère sans vous donner au moins une idée de ce qui vous y attendait. Francis m'a confié une mission en me laissant entendre qu'elle était possible à remplir. Délicate, mais possible. Et en me priant de ne revenir que lorsqu'elle serait remplie. C'est-à-dire jamais. Ce que vous dites là, Agnès, ce ne peut être qu'une impression. Vous vous êtes crêlé avant de partir. Et il ne vous écrit pas. Il m'a écrit. Quand cela, récemment? Aujourd'hui. Et que disait-il? Qu'il partait chez des gens dont il ne donne ni le nom ni l'adresse. Et qu'il a loué notre appartement à un inconnu pour un mois. Mais est-ce irrémédiable? Est-ce même significatif? Non, je connais Francis. Il ne dit jamais la vérité directement ni en face. Il tourne toujours autour, il suggère. Oui, je sais. Mais tout de même, dans son imprécision, il y a une précision. Et la meilleure serait que je vous prêtasse assez d'argent pour rentrer à Paris et vous installer confortablement à l'hôtel en attendant le retour de Francis. D'une part, vous sauriez s'il dit la vérité au sujet de votre appartement. De l'autre, vous seriez à même de voir Francis dès son retour et d'avoir une explication avec lui. Puis il ne pourra pas l'éviter. Mieux vaudrait en finir. Je ne savais pas que vous faisiez si mauvais ménage. Et l'autre solution? Ce serait d'accepter pour vérité absolue ce que je vous affirme au sujet de Madame de Chaligny. À savoir qu'elle est plus pittoresque que dangereuse. Et de rentrer tranquillement au fond de l'aume pour y attendre pendant un mois la suite des événements. Non, je ne rentrerai au fond de l'aume que si vous y étiez. Seule, jamais, je ne pourrai pas, Carlo. Alors il faut aller à Paris. Ce sera très facile que je viens de recevoir de l'argent de mes fermages, je suis en fond. Et cela ne me gênera en rien de vous avancer la somme nécessaire. Combien voulez-vous, Agnès? 10 000 francs davantage? Agnès! Mais voyons, Agnès, mais c'est insensé! Mais qu'ai-je dit qui vous bouleverse à ce point? Je ne vous ai pas foncé. Je ne vous ai pas fait de peine. Vous ne pensez pas que mon offre cache une arrière-pensée blessante. Mais pour l'amour du ciel, Agnès, aidez-moi! Vous êtes lasse, terriblement lasse, ma pauvre Agnès. J'oublie que cette journée a été dure pour vous de toutes les manières. Cela vous détend peut-être de pleurer. Voulez-vous que je vous laisse pendant quelques instants? Voulez-vous vous étendre? Il y a un divan à côté. Agnès, est-ce que par hasard vous ne voudriez pas partir? Répondez, Agnès. Répondez-moi. J'aurais voulu ne pas partir. Pourquoi? Vous n'êtes pas heureuse et vous avez peur. Est-ce donc si triste à Paris? Souffrez-vous à ce point du départ de Francis? J'aurais voulu ne pas partir. Que faut-il faire pour que vous restiez? Carlo, est-ce que vous ne pouvez pas revenir au fond de l'aume, ne serait-ce que pour quelques jours, pour me donner Le temps de m'habituer à l'idée de ce qui m'arrive. Personne ne sait encore que Francis me quitte. Il n'a dû prévenir personne. Et peu à peu, je tâcherai de comprendre, de m'arranger, de voir ce que je peux faire là-bas. Si vous êtes au fond de l'aume, ne serait-ce que le soir, cela me donnerait du courage. Alix est si souvent absente. Je me sens si seule. Mais si vous êtes là, je ne sais pas pourquoi ce ne sera pas la même chose. Ma pauvre Agnès. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas venir. Vous n'êtes pas libre. Je ne suis pas libre de faire ce que je voudrais. Je ne suis pas un homme libre. Alors je vais partir. Agnès ! Oh, je vous en prie, Carlo, je vous en prie. Laissez-moi m'en aller. Et vous croyez que je vais vous écouter ? Vous croyez que je vais vous laisser refaire toute seule cette route sinistre, par la pluie à la nuit tombante ? Ce n'est pas assez que vous ayez fait un trajet de ce genre. Et pour trouver quoi au bout ? Une maison sans feu, un repas indigent et tardif, l'animosité d'Alix, la démence de ma belle-mère. Agnès, pour qui me prenez-vous ? Mais Carlo... Attaisez-vous ! Vous êtes une sape ! Vous m'avez dit que vous n'êtes pas libre. Non, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre ! Sans ça, je vous aurais empaqueté dans des couvertures et je vous aurais emmené à Chalonne, où il y a un excellent hôtel tenu par des braves gens qui vous auraient choyé comme leur enfant pour me faire plaisir. Mais ce sont des initiatives qu'un homme marié ne peut prendre dans une province comme la nôtre, où les mœurs sont rigoureuses. Non, je ne suis pas libre, Agnès ! Et vous n'êtes pas non plus. Je le serai demain. Vous vous souvenez, Carlo, de ce que vous m'avez dit ? Oh, je ne vous le reproche pas. Mais sur le moment, cela m'a paru étrange, prophétique. Agnès de Chaligny. Agnès tout court, Agnès de rien. Encore quelques jours, et c'est véritablement Agnès de rien qui prendra congé de vous. Agnès de rien. Oh. Un pauvre type comme moi n'a aucune chance de salut. Aucune chance de rédemption avec une personne comme vous. Parce qu'on vous a fait souffrir, vous n'oubliez rien. Mais moi, j'ai de la mémoire aussi, mais seulement pour ce qui est beau et bon. Ainsi, je me souviendrai toujours qu'une jeune femme que j'avais méconnue, insultée, effrayée, m'a fait l'insigne honneur d'obéir à son instinct plus qu'à sa raison et de venir frapper à ma porte un jour de péril. Aussi, pour la peine, lui dirai-je ceci. Agnès, chère Agnès, retournez vous installer dans votre fauteuil. J'entends dans la pièce voisine quelque chose comme une bouilloire qui chante sur le feu. Le thé sera prêt dans quelques secondes et vous le prendrez. Confortablement installé, les pieds sur les chenets. Pendant ce temps, j'irai au-devant du bonhomme que j'attends et qui est mon fermier. Et je lui demanderai de me prêter sa voiture. Et nous entrerons tous les deux au fond de l'aume. Seulement, je vous laisserai la passerelle avec la bicyclette et la Jussaude viendra la chercher. Et vous finirez la route à pied. Il vous faudra feindre, vous disais-je. Je pense que vous admettrez le bien fondé de ce conseil pour notre paix à tous les deux, si, enfin, comme vous m'en priez, je réintègre le domicile conjugal. Pour notre paix, m'arrivera aussi d'être grognon, de rentrer tard et de piétiner les portraits de famille, mais tous les soirs, je rentrerai. Et je m'arrangerai pour qu'Alix vous témoigne un peu plus d'affection. Et pour que Madame de Chaligny promène un peu moins ses lubies. Pendant tout un mois, je veillerai sur vous, Agnès, jusqu'à ce que votre destin vous appelle et que vous vous en alliez pour toujours. Après, je ne crois pas que nous ayons rien dit d'important. Pourtant, cet unique repas où nous fûmes seuls garde une atmosphère intense, particulière, incomparable à aucune autre. Puis la voiture du fermier est arrivée. On a hissé la bicyclette. Nous étions, Carlo et moi, aussi seuls que l'on peut l'être au monde quand on rentra deux en voiture, le soir dans la campagne déserte. Carlo, par un sentier, me mena à la passerelle où nous laissâmes la bicyclette. Je fis à pied, presque à tâtons, guidé par l'odeur et le bruit de la rivière, les 400 à 500 mètres qui me séparaient des fonds de l'Aume. Alix rentra peu après que nous fûmes installés au salon. J'ai la possibilité de louer ma maison un mois plus tôt, alors tu penses bien que je n'hésite pas. Désolé si cela te contrarie. Que vas-tu penser ? Au contraire. Au contraire. Et vous, Agnès, comment avez-vous employé cette lugubre journée ? Qu'avez-vous fait pendant mon absence ? Rien, Alix. Absolument rien. avez-vous dormi, Agnès? Parfaitement bien, Alix. Eh bien, pas moi. D'abord, Carlo m'énerve. Et puis, je ne pouvais m'empêcher de penser à votre aventure. Je reconnais que vous n'avez pas eu de chance, pauvre Agnès. J'admire que vous ayez si bien supporté ce choc. Moi, je crois que j'aurais attrapé mon manteau et que je serais partie dans n'importe quelle direction. Je suis partie à toutes jambes dans n'importe quelle direction. C'est-à-dire, dans la seule direction qui permette de sortir d'ici. Et puis, j'ai pensé à votre anxiété si vous ne me retrouviez pas. Alors, je suis revenue. Madame de Chaligny avait regagné sa chambre et je suis descendue au salon. Quand même, je vous admire. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Carlo ce qui s'est passé? Mais je ne l'ai pas entendu rentrer. C'est juste, c'est juste. Quelle idée lui a traversé la tête de revenir si vite. Ah, si encore il se montre aussi aimable qu'hier, cela ira. L'absence lui a fait du bien. Il ne vous a pas jeté la salière à la tête. Toujours pas de nouvelles de Francis? Une carte postale assez vague. À bientôt, tendre pensée. Il commence à s'ennuyer de vous. Vous allez voir qu'il va vous réclamer. En attendant, vous devriez demander à Carlo qu'il vous montre le pays. Profitez de sa bonne humeur, du beau temps et du peu de jours qui vous reste à passer ici. Car maintenant, nous voilà à la merci d'un télégramme. Mais vous-même, Alix, vous ne voulez pas nous accompagner? Et ma mère, et la maison. Puis, la marche, cela m'assomme. Carlo vous fera faire des lieues dans les labours pour vous montrer un clocher croulant. Il rentrera sans s'inquiéter de savoir si vous le suivez, et naturellement, il n'ouvrira pas la bouche. Sinon, pour dire que les femmes ne savent ni marcher, ni se chausser. Agnès, demain, Carlo, est-ce que tu ne dois pas faire une course au diable, je ne sais où? Aux outrées. Mais pourquoi pas? Ce ne sera pas pire pour Agnès que de rester ensevelie jusqu'à mi-corps, dans une corbeille à linge. Oh mon Dieu! Je ne me souvenais plus que c'était de ce côté-là. Vous n'êtes pas superstitieuse, Agnès. Vous voulez bien accompagner mon mari aux outrées? Oh, c'est un horrible endroit, je ne sais combien de mètres d'altitude, avec une pierre levée qui pue le sacrifice humain et qui porte malheur. Enfin, il y a tellement de vent qu'on ne peut pas s'y tenir debout. Ceci dit, c'est une jolie excursion. J'ajoute que le chemin est plutôt difficile et pour vous, ce n'est peut-être pas très prudent. J'en accepte le risque. Cela ne fait que 5 kilomètres, dont un seul est vraiment dur. La vue est splendide. Vous pourrez vous reposer en l'admirant, Agnès, pendant que j'irai jusqu'à la ferme Boule Rose. Mais pourquoi ne pas venir à notre rencontre avec la Ford, Alix? Ta mère peut rester seule, cela lui arrive assez souvent. Oh, je ne dis pas non. Moi, je ne promets rien. À condition de ne pas monter jusqu'à la pierre. Enfin, allez toujours. Bon. En tout cas, soyez prête à 2 heures demain, Agnès. Nous partirons aussitôt. Tu ne viens pas dîner ce soir? Oh, sûrement pas. C'était trop beau pour durer. Je ne donne pas à Carlo 2 ans à vivre à ce rythme-là. À quoi pensez-vous, Agnès? À Francis. Mais c'est de la passion. Allons, ayez du courage. Encore quelques jours et vous le reverrez. Alors, Agnès, comprenez-vous enfin ce qu'il peut y avoir de tragique à vivre ici? Et pourquoi en même temps, on se résigne à n'en point sortir? Vous auriez pu en sortir si vous ne vous étiez sacrifié. N'essayez pas d'appeler paresse, égoïsme, ce qui vous a tant coûté. Vous avez accepté beaucoup de choses qu'un homme en général n'accepte pas. Vous pouviez fonder un vrai foyer. Il n'y a pas de vrai foyer sans enfants. Vous me disiez l'autre jour que ce n'était pas héréditaire. Non, je ne le pense pas. Enfin, ils sont tous bizarres, les Chaligny. Il y a eu ce frère aîné d'Alix, l'enfant à la grosse tête. Mauvais indice. Vous n'étiez que fiancé lorsque la crise est survenue. D'autres hommes auraient fui et vous êtes resté pour protéger Alix. Oh, quand une femme vous plaît, on ne raisonne pas. On obéit à son instinct. On réfléchit après. Un proverbe étranger assure que celui qui se marie en hâte se repent à loisir. Si vous vous repentez, vous ne reniez pas votre devoir. Vous aimez les grands mots, Agnès. Ils ne me conviennent pas. Les habits de cour ne vont pas au pauvre air comme moi. Oh, si vous êtes un pauvre air, que suis-je? Vous avez encore un toit et moi je n'ai plus rien. Êtes-vous très malheureuse? Non. Non, je ne suis que décontenancée, étourdie. Je ne comprends pas encore ce qui m'est arrivé. N'en parlons pas, Carlo, voulez-vous? Que soit. D'ailleurs, c'est préférable de ne pas parler. La pente est rude et vous n'avez pas beaucoup de souffle. Il faut vous ménager. Oh, Agnès, j'ai bien cru que je ne vous garderais pas. Vous alliez vous envoler. Petite plume. Ah, heureusement que le vent a sauté. C'est de la folie de vous avoir amené ici. Non, non, ne regrettez rien. Mais j'ai peur. Peur de quoi, Carlo? Calix ne vous décourage de venir ici. Vous l'avez entendu hier. Elle prétend que cette pierre est maléfique. Que chaque fois que quelqu'un de la famille y vient, il arrive un malheur. Mais nous ne sommes pas de la famille. Vous êtes Carlo Valier et moi je suis Agnès. Agnès de rien. Et puis je ne crois pas à la méchanceté des pierres. On a tout fait de les accuser puisqu'elles ne peuvent pas répondre. Il va nous falloir rester ici pendant quelque temps, je le crains. Une heure, peut-être deux. Ça m'est arrivé déjà. Le temps était si calme, si bleu au départ que je n'ai pas pensé en gravissant le coteau que nous trouverions ce vent. Si vous avez froid, Agnès, ou soif, je puis descendre vers la ferme et vous rapporter une couverture, du lait ou de l'eau. Est-ce loin, cette ferme? Environ 500 mètres sur le versant opposé, caché sous un épaulement rocheux. Et que cultive-t-on ici? On ne cultive pas. Ce sont des pâturages de petites montagnes. J'aimerais mieux que vous ne me quittiez pas, Carlo, s'il vous plaît. Tout à l'heure, quand le vent sera tombé, je vous accompagnerai. C'est drôle, Carlo. Quoi donc? Je ne me sens à l'aise avec vous que lorsque nous sommes seuls, tous les deux. Oui, la moindre présence altère nos rapports. Je me sens timide, gênée, et vous devenez agressif ou maussade. Je me suis fait la même réflexion. Quand je suis seul avec vous, comme l'autre jour chez moi, je me sens plein d'affection, de gentillesse, de bonté. Je n'aime pas qu'Alix soit là, ou la Jussaude, ou n'importe qui. Mais ne considérez-vous pas d'autre part que ma présence entre Alix et vous peut pour la même raison déplaire à Alix? Oh non, non, non, non, Alix ne m'aime pas. Elle lui appartient comme un meuble, un bijou. Un vêtement. Et nous ne sommes pas de la même race. Sommes-nous de la même race, vous et moi? Il m'apparaît que nous sommes aussi différents que possible. Il est vrai que... Et vous ne finissez pas votre phrase, Agnès de rien. Allons, allons, voyons, qu'alliez-vous dire? Et du courage. Ah, vous m'excuserez si je vous semble téméraire, Carlo. J'allais dire... Il est vrai que je vous connais depuis très longtemps. Ce qui est faux, puisque je suis ici depuis 3 semaines. Ce ne sont donc pas des faits précis qui me remontent à l'esprit, mais des idées confuses, une sorte de subconscient. Ainsi, le premier soir... Faut-il encore parler du premier soir? Oui. Oh oui, car je ne vais rien vous dire de désagréable. Le premier soir, pendant que vous me parliez, je ne crois pas que j'ai tout entendu. Je me disais, où ai-je vu ce visage? En quel temps? À quel moment? C'est pourquoi vos paroles perdaient de leur importance, ou plutôt, elles avaient une autre importance. Agnès! Agnès! Savez-vous que c'est très étrange ce que vous dites? Et si j'avais la moindre fatuité, je pourrais penser que c'est un compliment. Oh, un compliment entre nous. Le fait d'être là, près de Carlo, adossé à cette pierre, m'a paru soudain chargé d'un sens expiatoire. Qu'avions-nous à expier? Pourquoi lui et moi, qui arrivions de si loin par des routes si divergentes? Pourtant, nous étions là tous les deux. Depuis notre naissance, sous des cieux différents, nous marchions vers cette pierre, vers ce sommet. Et quelque chose se passa que nous ne sûmes jamais et qui nous unit. Je pus, à dater de cette heure, lire en Carlo, et lui en moi. Ma vérité devint la sienne. Et tout ce que la terre peut multiplier pour séparer deux créatures, elle put le faire, sans atteindre l'essentiel de nos deux natures. Voyez, Agnès, le soleil décline. Nous avons juste le temps de rentrer pour dîner, si nous passons par la ferme. Eh bien, bonne promenade. Moi, j'ai dormi la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Combien vend-il ces moutons, finalement, le père Boudreau? Comment trouvez-vous le caillou des Outrées, Agnès? N'est-ce pas que c'est impressionnant? Je vous envie de ne croire à rien. Moi, on me paierait pour retourner là-haut. Il n'y avait pas trop de vent, Carlo? Vous n'avez pas été obligé de faire le tour du tertre à quatre pattes? Je me suis souvent demandé comment se comportaient les amoureux là-haut. Asseyez-vous dans l'herbe à côté de moi, Agnès. Ouh, Dieu, que vous avez les yeux cernés. Eh bien, vous ne vous asseyez pas? C'est vrai que vous n'êtes pas une rurale. Il y a un autre fauteuil derrière les rhododendrons, Carlo. Va le chercher. J'espérais que maman descendrait, pas moyen. Je me demande ce que vous lui avez raconté l'autre jour. Elle devient d'une méchanceté, d'une exigence. Je suppose que la vraie Madame Lafarge était moins insupportable. Voilà le fauteuil. Merci, Carlo. Parfois, je n'ai pas eu le courage de préparer quoi que ce soit, mais on ouvrira une boîte de conserve. À moins que tu ailles faire du charme à la Jussaude pour obtenir deux ou trois goujons. Va, mon Carlo, va. Non, non, Agnès, non, pas dans ce sens-là. J'aime voir les gens, autrement il me semble qu'ils me font des grimaces dans le dos. C'est vrai que vous avez des yeux cernés. Qu'est-ce que vous avez bien pu vous raconter pendant 5 heures, Carlo et vous? Rien. Pour vous donner une idée de l'intelligence et de la mémoire du facteur, Agnès, figurez-vous... Oh, mais non, c'est tellement idiot, ça ne vous intéresse pas. Mais ça m'intéresse au contraire. Tout ce qu'il vous plaît de me raconter m'intéresse. Agnès, je vous adore. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, le facteur. Figurez-vous que par manière de conversation, je lui dis tantôt pendant que vous étiez à rêver sous les saules, « Vous ne prétendrez pas, monsieur Cruet, que le courrier de Madame Francis vous fatigue une carte postale en 7 semaines. »« Une carte postale, me répond cet invertébré. Je lui ai jamais remis de carte postale à Madame Francis. C'est une vraie lettre que je lui ai donnée. Une lettre dans une enveloppe. Même que c'était le jour de l'orage et que j'ai été trempée comme une soupe le temps de remonter au village. Allons donc, monsieur Cruet. Ma belle-sœur m'a dit qu'elle avait reçu une carte postale. Elle n'a pas rêvé. Elle a peut-être reçu une carte postale, votre belle-sœur. Mais moi, je lui ai remis une lettre. C'est tout ce que je peux jurer sur la foi du serment. Et voilà, ma chère, le genre d'homme auquel l'État confie la plus importante de toutes les fonctions civiles. Le facteur a parfaitement raison. Et moi aussi, Alix. La carte postale de Francis était dans une enveloppe. Oh, ma foi, Agnès, c'est admirable. Je n'y aurais jamais pensé. Les jours passèrent. Ayant tout tenté pour m'inciter à partir, il ne restait plus à Alix que la provocation directe. Je la sentais décidée à chercher le premier prétexte venu. Quelque chose aussi bête que l'histoire du facteur pour soulever une querelle. Alors il ne me resterait plus qu'à partir. Je passe sur l'humiliation, la détresse qu'il me fallait ainsi envisager pour ne considérer que la conséquence la plus douloureuse de la rupture, à savoir que je ne reverrai jamais les fonds de l'aube. Et j'ajoutais en moi-même puérilement, je partirai sans avoir visité les bâtiments. Il me fascinait ces ateliers déserts, un peu comme si derrière leurs fenêtres aveugles, quelqu'un sans cesse me faisait signe. J'aurais aimé les parcourir, mais la peur tempérait ma curiosité. Chaque jour, je me proposais d'en parler à Carlo et de lui demander s'il ne lui serait pas possible de me promener à travers les bâtiments ou si la Jussaude, que je voyais souvent aller et venir derrière leurs vitres éclatées, ne pourrait me servir de guide puisqu'elle les connaissait si bien. Je n'osais le faire. Un jour, Calix était parti en voiture et la Jussaude partie faire des emplettes au hameau. Je n'attendis pas que mon courage m'abandonnât. Je me dirigeais vers les ateliers et pénétrais dans la première salle. L'air y stagnait, pesant, corrompu, inanimé. Le moindre pas soulevait une âcre poussière qui prenait à la gorge. Par endroits, on discernait à claire-voix l'étage supérieur et sa sonorité de grenier vide. seconde salle était pire. L'encombrement était tel qu'on pouvait croire que les habitants du hameau venaient là pour jeter tout ce qui les gênait. Après, on pénétrait dans un hall que rendait sinistre sa verrière crevée et l'escalier de fer desservant les passerelles branlantes jetées d'un bout à l'autre des murs. Il y eut encore une autre salle, plus grande que les précédentes, et dans laquelle bougeaient des toiles d'araignées si longues, si lourdes, que je les pris pour des rideaux. Je m'attendais ensuite à d'autres halls, à d'autres passerelles, à d'autres escaliers se perdant, sans rampes, sous des cintres éclatés, lorsque j'atteignis les anciens bureaux. Quelques meubles survivaient au déménagement des locaux. Il régnait dans cette pièce une propreté relative qui contrastait avec le hideux abandon du reste des bâtiments. Une porte perçait le mur du fond. Je n'hésitais pas à la pousser. Quel ne fut pas mon étonnement de me trouver dans une chambre normalement meublée et qui portait les traces d'une récente occupation. Une pauvre chambre, un lit de fer étroit, un bureau parsemé de livres et de papiers, une bibliothèque. Une odeur de tabac flottait dans l'air, l'odeur du tabac de Carlo. C'était la chambre de Carlo. C'est là qu'il se réfugiait. C'était le seul véritable asile dont il put disposer dans ce vaste domaine. Exilé de ses terres, étranger sous son toit, retraite insoupçonnable, insoupçonnée d'Alix, sous les yeux même d'Alix. Je comprenais maintenant les allées et venues de la Jussaude. Elle s'occupait de Carlo, du ménage de Carlo, de son Carlo. Elle savait bien à quoi s'en tenir en entretenant la légende qui, de Carlo absent, faisait un Carlo coureur en quête d'aventures galantes. J'écartais la chaise qui tenait lieu de table de chevet. Je m'agenouillais sur le parquet de sapin, posais ma tête sur l'oreiller. Cher Carlo, que Dieu vous garde de tout sommeil anxieux et troublé. Quand vous dormirez ici, sans jamais soupçonner que ma joue s'est posée à cette place, puissiez-vous connaître un vrai repos. Puissiez-vous ne trouver ici que la paix, ni connaître que l'oubli du pire, l'espérance du mieux. Je vous aime, et vous ne le saurez jamais. Je n'aurais été pour vous le temps de quelques semaines qu'une petite ombre incertaine qui n'eut guère le pouvoir de toucher votre cœur. Mais que par la vertu de cet amour impartagé, quelque chose de moi demeure ici, invisible, à la manière des anges, pour écarter de votre chevet les mauvais rêves. Ainsi demeurais-je un moment anéanti d'avoir osé dire à un absent ce que j'osais à peine penser. Puis je voulus me relever, et ma main, qui prenait appui sur le lit, glissa maladroitement sous l'oreiller, y rencontra un objet, s'en empara par un simple réflexe. Et voilà que maintenant j'étais debout, regardant dans le creux de ma main ma bague d'améthyste. Je sus alors tout ce qu'il y avait à savoir. Momentanément, je me nommais Agnès et lui Carlo. Mais d'autres moments avaient précédé celui-là. Et d'autres vies pendant lesquelles nous cherchant, nous fuyant, nous avions porté d'autres noms sans importance, oubliés. Peut-être que cette fois notre rencontre était la dernière et que le bonheur nous attendait enfin, tous obstacles renversés. Peut-être aussi faudrait-il attendre d'autres vies et nous mériter davantage pour que nous ne soyons plus séparés. Je sus aussi qu'il fallait partir, qu'il fallait m'en aller le plus vite possible, que si je pouvais vivre au fond de l'aume avec mon amour pour Carlo, je ne pouvais y demeurer sachant son amour pour moi. Allais-je emporter la bague ? Non. La laisser. La remettre à sa place pour celui dont elle serait désormais le talisman. Carlo ! Agnès ! Carlo, pourquoi dès le premier soir as-tu pris cette bague ? Je dormais. Je rêvais que j'étais heureux. Cela, je te l'ai déjà dit. que je ne t'ai pas dit, c'est que j'étais heureux parce que je te voyais dans un rêve, tel que tu es, avec tes cheveux blonds et ta petite robe bleue. Ce n'était pas la première fois que je te voyais. Oh, cela a duré depuis longtemps. Et depuis le temps que je t'attendais, tu étais là. Enfin. J'ai entendu du bruit dans mon rêve. J'ai ouvert les yeux et tu étais là. Exactement comme dans mon rêve. Plus fatigué peut-être et comme quelqu'un qui a pleuré. Je t'ai demandé qui tu étais. Tu m'as dit ton nom. Alors j'ai su que tu n'étais pas pour moi. Je suis devenu fou. Si près, enfin là, et pas pour moi, pas à moi. Tu comprends maintenant pourquoi je me suis comporté comme un dément, comme un possédé. Quand tu as perdu connaissance, je t'ai volé l'anneau. Que personne, tu entends? Personne n'aurait dû passer à ton doigt. Mais je suis répudiée, je suis libre. Il n'y a pas de péché. Je vais partir, il le faut. Je t'écrirai quelquefois pour que tu saches que je suis là, toujours. Mais je ne dirai jamais rien qu'Alix ne puisse lire, car tu lui appartiens. Ce n'est pas en ce monde que nous nous retrouverons, mais quand il voudrait attendre encore 1000 vies, j'attendrai. Je t'attendrai, mon Carlo. Comme le moteur me donnait des inquiétudes, j'ai ramené la voiture au hameau et ensuite j'ai coupé par les champs et le pont au lieu de revenir par cette descente à pic. Et je me suis dit que j'allais vous faire une surprise. Je vais vous en faire une aussi, Alix. Il m'est venu à l'esprit après votre départ que Francis ne se doutait peut-être pas que j'attendais un signe de lui pour rentrer à Paris. Ou qu'il craignait lui-même de vous froisser en me rappelant, qu'en pensez-vous? Vous me prenez au dépourvu, Agnès chérie. Que voulez-vous que je pense? Vous êtes la femme de Francis, je ne suis que sa sœur. Une sœur qui n'est jamais dans le secret d'une alcôve. Tout ce que je peux dire, c'est que vous me semblez horriblement pâle. Que faisiez-vous dans ces bâtiments pleins de rats? Il me semble que je viens de vous en voir sortir. Au fond, je comprends très bien l'obsession de maman avec sa mort aux rats. Toutes les folies comportent une phobie à l'origine. C'est à Francis que vous alliez rêver dans les gravats? Il n'y était pas absent de ma pensée. C'est même un peu à cause de lui que j'y suis allée. Ce n'était pas moi qui parlais. Mais une machine. Moi, j'étais hors de moi-même, cherchant mon chemin pour rejoindre Carlo, pour commencer à devenir le fantôme qui ne quitterait plus Carlo. À cause de lui? Oui, voyez-vous, j'ai décidé de partir, Alix. Et avant de partir, j'ai voulu prendre congé de tout le domaine. La maison, le parc, je les connais. Mais je n'étais jamais allée dans les ateliers. J'en avais très envie. Était-ce indiscret? Quelle idée! Vous êtes ici chez vous? Enfin, vous étiez, puisque vous me dites que vous voulez partir, ce qui entre nous n'est pas très gentil. Mais enfin, si vous insistez pour prendre un train de nuit, je puis téléphoner au garage. Comme ça, je pourrais vous mener directement à Fontange avec la voiture. Vous n'avez pas de grand bagage à préparer. Ah, oh, c'est fou quand je pense comme vous allez me manquer. En partant d'ici dans une heure, vous attraperez sûrement votre train. C'est de beaucoup le meilleur. Par exemple... C'est votre anneau de fiançailles que vous avez au doigt. Je me vois encore en faisant un petit paquet pour vous l'envoyer de la part de maman. Aucune valeur. Horriblement démodé. C'est tellement rococo. Eh bien, voyez-vous, sans vous connaître, j'étais sûre qu'il vous plairait. Vous avez d'ailleurs raison de ne pas le porter tous les jours. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est pour tomber toute parée dans les bras de Francis. Vous attendra-t-il au train, cet Iroquois? Au fait, j'y pense. Si vous partez comme cela, brusquement... Dites-moi, je connais Francis, Agnès chérie, et sa négligence pour tout ce qu'il appelle les légers détails de la vie. Je parie que vous êtes un peu embarrassée. Et je tiens à vous épargner le petit ennui de me demander quoi que ce soit. Vous n'avez pas votre billet de retour, n'est-ce pas? Comment l'aurais-je, Alix? Je ne veux pas que vous soyez venue ici et que vous ayez enduré l'atmosphère des fonds de l'ombre près de 2 mois pour rien. Nous allons arranger cela. Venez. signe de la suivre au salon, et mon apparence la suivit au salon. Ma réalité s'en allait à travers les ateliers déserts, sans hésiter, sans se retourner, vers un homme qui était assis devant un bureau, la tête d'un félin. J'éprouvais comme un petit choc. Alix était assise devant un bureau dont elle ouvrait les tiroirs comme si elle cherchait quelque chose. C'était une impression extraordinaire d'être à la fois près d'Alix qui ouvrait les tiroirs et près de Carlo qui faisait les mêmes gestes méthodiquement. Tenez, Agnès, j'espère que vous aurez assez de ces 5000 francs et vous ne vous froisserez pas de les accepter. Je puis facilement disposer de cette somme en ce moment. Comme vous êtes nerveuse, Agnès. C'est parce que je viens de refermer ce tiroir un peu brusquement que vous avez ainsi sursauté. Eh bien, mais qu'avez-vous à me regarder ainsi? Qu'avez-vous? Mais qu'avez-vous, Agnès? Parlez! Carlo vient de se tuer. Vous venez d'entendre Agnès de Rien, adaptation radiophonique par Pierre Barillet, d'après le roman de Germaine Beaumont. La distribution était la suivante. Agnès, Odette Joyeux. Alix, Germaine Montero. Madame de Chaligny, Berthe Bovy de la Comédie Française. La Jussaude, Maddy Berry. Une paysanne, Berthe Did. Le facteur, André Certes. Et Marcel Errant dans le rôle de Carlo. Musique originale de Marcel Landowski, orchestre sous la direction de Charles Bruck. Prise de son, Karl Vasseur et Gaston Guénez. Assistant de production, Sadi Petit. Mise en scène radiophonique, Ange Gilles. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 1er janvier 1946.